عينه التي يبصر بها، ويده التي يقش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. الله عز وجل a dit dans ce hadith Qudsi, il a dit ensuite s'il fait beaucoup de nafila, yani je commence à l'aimer, je l'aime. Et si j'aime cette personne, c'est quoi la natija, c'est quoi la, yani, le résultat? Il a dit si j'aime cette personne, ensuite je serai sa main avec laquelle il prend, je serai son pied avec lequel il marche, je serai ses yeux avec lesquels il voit, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose de très très très très important. Ça veut dire on devient élevé à un rang où c'est pas nous qui nous commandons, subhanallah al-adim. Tu veux, yani c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. Il guide tes yeux pour que tu ne vois que. Il guide tes mains pour que tu ne prennes que le halal. Il guide tes pieds pour que tu n'ailles que dans les endroits que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Subhanallah al-adim, la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez ce que fait la nafila. J'ai donné une fois un exemple. J'ai dit, quand je fais venir quelqu'un dans ma maison, par exemple, pour me bâtir une maison, par exemple, et on a fait dans l'acte qu'il travaille de 8h du matin à 4h de l'après-midi, par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple comme ça, je dis par exemple avec 20€ par jour. Je ne sais pas, 20€ si c'est beaucoup, là, c'est, je ne sais pas, c'est un exemple, c'est tout. Il travaille de 8h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, 20€ par jour. Maintenant, lui, à 4h du matin, il continue toujours à travailler jusqu'à 5h, jusqu'à 6h de l'après-midi. Alors, quand je lui dis, par exemple, pourquoi, il dit non, yani, je fais ça en plus. Je ne veux pas d'argent pour cela. Ça veut dire que c'est surérogatoire. C'est nafila. Il fait ça en plus. Ce n'est pas en contrepartie de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, Allah, elle m'aime. Cette personne, elle me veut du bien. Même, moi, je ne l'ai pas obligé. Je lui ai dit, tu travailles seulement de 8h jusqu'à 4h. Et lui, il ajoute 2h. Ça, c'est un délit que cette personne me veut du bien et qu'elle m'aime. Mais quand il travaille de 8h à 4h, ce n'est pas un délit qu'il m'aime. Celui-là, il travaille à cause de l'argent, à cause des 20€ que je lui donne. Mais si, subhanallah, s'il ajoute 1h ou 2h, il me dit, il ne me donne rien en contrepartie, là, c'est un délit que cette personne me veut du bien. Car il n'est pas fou de travailler 2h supplémentaires sans demander la contrepartie. Nous, c'est quand on fait mal, nafila, ça veut dire que il y a quelque chose dans nos cœurs, yani, qui nous pousse, voilà, yani, que yani, on a un peu d'amour, yani, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que yani, on voudrait qu'il soit ravi de nous. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, je n'oublierai pas de vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il n'est pas le bon nom, Sahih al-Jama' aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand quelqu'un va rentrer dans la prière, en général, qu'elle soit nafila ou qu'elle soit yani, obligatoire, qu'elle soit nafila ou bien obligatoire, dès qu'on va rentrer dans la prière, Allah Azza wa Jal prend tous les péchés qu'on a fait, tous les péchés, et il les met sur nos épaules. Il les met sur nos épaules. Bien sûr, nous, on ne les voit pas et on ne les sent pas. C'est un ange qui vient, il les met sur les épaules. Et plus tu t'inclines, et plus tu te prosternes, à chaque fois que tu t'inclines, à chaque fois que tu te prosternes, les péchés commencent à tomber. Non. Donc, plus une personne fait de prière, plus elle fait annuler ses péchés. Les péchés qui sont sur les épaules. Et plus, encore une autre faïda, et plus tu allonges l'inclinaison, et plus tu allonges la prosternation, plus il y a des péchés qui tombent. Donc, plus il n'y a pas de prière, moins il y a de prière, donc moins il y a de péchés qui sont annulés. Et moins l'inclinaison est longue, et moins la prosternation est longue, moins les péchés s'annulent. Tant que ça revient à toi, tu es libre. Tu veux faire une inclinaison d'une minute, de deux minutes, de trois minutes, c'est pour ton intérêt. Tu veux faire une prosternation de 10 minutes, c'est pour ton intérêt. Tu veux faire comme le corbeau, tac, tac, tac, tac, tac, tac, comme il picore, c'est pour, yani, c'est toi qui perds. C'est nous qui perdons. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait dans la salat, il était dans une salat 2 à 3 heures pour finir la salat. 2 à 3 heures. Surtout quand il faisait qiyam al-layl, prière de nuit, de la nuit. Comme a dit Abdullah ibn Saoud, il a dit, je suis rentré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat. Il a commencé par le Baqara. J'ai dit, il va peut-être terminer à un quart. Il a dépassé, j'ai dit, peut-être au milieu. Il a dépassé, j'ai dit, donc la fin de la Baqara. Il a terminé la Baqara, il a commencé Sourat An-Nisa. Normalement, c'est Ali Imran. Il a sauté à Sourat An-Nisa. Ensuite, Abdullah ibn Saoud, il a dit, yani, j'espère qu'Inch'Allah, il a terminé Sourat An-Nisa. Il a terminé Nisa, il est rentré dans sa Sourat Ali Imran. Ensuite, il a terminé Ali Imran. Abdullah ibn Saoud a dit, j'allais faire quelque chose yani, qui n'est pas bien, mais Allah, j'allais la faire. On lui a dit, qu'est-ce que tu allais faire? Il a dit, j'allais m'asseoir. Voilà, j'allais m'asseoir. Et franchement, j'ai pas pu. Donc, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans une prière, une seule raka, il lit le Baqara, Sourate An-Nisa, Sourate Al-Imran. Alors, on compare nous, et les gens, qu'ul huwa Allah, et tibbet yada. On lit, qu'ul a'udhu bi rabbil falaq, qu'ul a'udhu bi rabbin nas. Et regardez ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, dans sa salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa salat, des fois, quand il se prosternait dans la mosquée, les gens derrière lui, des fois quand il se prosternait, yani tellement il restait prosterné que des fois certains qui étaient derrière lui levaient la tête pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est mort, peut-être que, je sais pas, j'étais inconscient et la prière s'est terminée, les gens sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lève la tête et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterné, yani il se prosterne lui aussi. Yani tellement la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement elle était longue, yani, c'est pas peine de comparer avec lui sallallahu alayhi wa sallam, parce que yani, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'avait de temps, ne donnait son temps que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ekfir, il donne conseil à quelqu'un, il lui dit ekfir من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة واسمك أسكويل avec nous فواز أسكويل avec nous je te dis quelque chose أسكويل avec nous écris moi numéro 1 pour savoir que tu es là je veux dire quelque chose. Bon, il n'est pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ekfir min la hawla wa la quwata illa billah. Yani, essaye de dire beaucoup la hawla wa la quwata illa billah. Pourquoi? Il a dit Fa innaha min kanzil jannah. C'est l'un des trésors du paradis. Quand quelqu'un, inshallah ta'ala, si Allah azza wa jal le veut et on ira au paradis, il y a des trésors. Il y a des trésors cachés, etc. C'est l'un des meilleurs trésors qu'il y a au paradis. Donc, si tu veux beaucoup de trésors, dis beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. Plus on dit cette phrase, une immense phrase, plus Allah Ta'ala, on est voué à rentrer au paradis et à trouver beaucoup de trésors dans ce paradis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1206, c'est un hadith bon, il a dit أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. Il a dit la plupart des gens de ma nation, أمتي, qui meurent après la cause du destin, c'est quoi? Ils meurent par le mauvais œil. العين, le mauvais œil. Le mauvais œil, nous, on ne lui donne pas d'importance. On dit non. Peut-être même certains disent il n'existe pas. Et ceux qui disent il existe, ne lui donnent pas d'importance. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la plupart de ma nation meurt avec le mauvais œil. Pas avec autre chose, avec le mauvais œil. Certains diront, mais celui-là, il meurt par accident, etc. Ou là. Non, même accident, il est dû au mauvais œil de foi. Non, le mauvais œil, c'est la cause de l'accident. Certes, il est mort par accident de voiture, mais la raison c'est quoi? C'est le mauvais œil. La plupart de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt par le mauvais œil, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mauvais œil, comme vous savez, il est cité même dans le Coran. وَإِنْ يَكَدُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ. Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans le dans sourate, quand il parlait de sourate Yusuf, il a dit يَا بَنِيَا لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. Ayyub alayhi salam qui disait à ses enfants: oh mes enfants, ne rentrez pas par une seule porte. Il en avait 11. Ne rentrez pas par une seule porte. Rentrez par des portes différentes. Pourquoi? Les ulama ont dit à cause du mauvais œil. 11 garçons qui vont rentrer d'une seule porte appartiennent à un seul père. Là, pour les gens, c'est quelque chose. C'est sûr qu'on va être touché par le mauvais œil. Donc, il leur a dit, allez, rentrez deux par une porte, la deuxième porte il rentre un, la troisième porte il rentre deux, et comme ça, ne rentrez pas, yani, à la fois, tous à la fois, yani. Et c'est pour ça que les gens, yani, les gens qui ont beaucoup peur du mauvais œil, font aussi cela. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont au marché, ils achètent par exemple la viande, etc., et ça, ils ne veulent pas que les voisins voient. Pourquoi? Il y a des voisins qui n'ont pas les moyens d'acheter la viande. Ils n'ont pas les moyens d'acheter le merguez, ils n'ont pas les moyens. Les moyens d'acheter le poulet. Alors, certains gens qui ont peur des mauvais œil, et ils font bien, des fois, ils cachent, ils cachent le couffin, là. Ils mettent quelque chose, une serviette ou là, sur le couffin. Il y a des gens qui ont peur du mauvais œil aussi, quand ils achètent des meubles et des beaux meubles, etc., ils les font venir la nuit, quand tout le monde dort. C'est pas comme ça devant les gens, yani, qui ne peuvent pas se permettre des choses pareilles. Et l'autre il dit, moi je m'en fous, yani, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Celui-là il se trompe, il s'attire des problèmes et beaucoup de machakil, et il ne sait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mauvais œil peut faire rentrer la personne dans la tombe. Il peut faire rentrer le chameau dans la marmite. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ayn tudkhilu ar-rajul al-qabr wa tudkhilu al-jamala al-qidr. Le mauvais œil peut faire rentrer quelqu'un dans la tombe. Comme je viens de dire, il peut tuer. Et le mauvais œil peut faire rentrer le chameau dans la marmite. Comment il le fait rentrer dans la marmite? Quand on lui donne un mauvais œil à ce chameau, il devient malade, ensuite il meurt. Et juste avant de mourir, son propriétaire va l'égorger pour le manger, ensuite il va le cuire dans la marmite. À cause de quoi? À cause du mauvais œil. C'est pour ça que les ulama ont dit, comme a dit Cheikh Islam Ibn Al-Qayyim, il a dit, quand on est dans un petit village par exemple, et on sait que quelqu'un, c'est X, qui a le mauvais œil, on a des preuves flagrantes que c'est lui qui a le mauvais œil, il a dit il est permis au gouverneur de l'emprisonner cette personne. Pas dans une prison collective, mais d'emprisonner par exemple dans sa maison, comme on appelle résidence surveillée. Hein. On lui met deux policiers devant la porte, on lui dit que c'est interdit de sortir. Tu restes dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il est connu, il a un très mauvais œil. Un mauvais œil qui peut tuer des gens, et on a fait l'expérience avec lui, et plusieurs gens sont morts à cause de son mauvais œil, et plusieurs vaches et plusieurs moutons, etc. Celui-là, il a dit, il est permis au gouverneur de l'emprisonner dans sa maison et de lui donner une paye. Parce qu'il ne peut pas travailler quand il est dans la maison, il lui donne une paye, à cause que, quoi, pourvu qu'il ne sorte pas de la maison. Voilà. Autre chose en ce qui concerne le mauvais œil, mais c'est une idée qui m'est passée, maintenant j'ai oublié. Non, le mauvais œil, comme j'ai dit, Yannick, c'est pas que, je me rappelle, et pour prévenir au mauvais œil, avant qu'il n'arrive, pour prévenir, il faut beaucoup lire, ou l'a'oudou bi-rabbil falaq, ou l'a'oudou bi-rabbil nas. Ou l'a'oudou bi-rabbil falaq, ou l'a'oudou bi-rabbil nas. Il faut faire aussi le doua qui dit, أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمّ ومن كل عين لما عين من كل عين موفيز من كل عين لما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لما سي بو سي بريفونير سي با اون ليس ابريز افوار لو موفيز اويل اي اون كومونس ا كورير دو توت فاسون سي كيلكان ايت اتان دو موفيز اويل اي اي سي اي سي دو سي بارفونو اي كوني لا بيرسون لو بروفيت صلى الله عليه وسلم ا دي فو ديفي دوموندي ا سيت بيرسون de faire un wudu, ensuite vous prenez son wudu et vous vous lavez avec, vous guérirez. Donc, la dit d'astur siltum, fartesilo. La dit, si quelqu'un vous demande de vous laver, vous êtes obligé de vous laver. Si quelqu'un vous demande, il te dit, lave-toi, j'ai besoin de ton wudu, c'est interdit de lui dire, non, je me lave pas. Non, tu te laves et tu lui donnes ton eau avec laquelle tu as fait des petites ablutions, ensuite lui, il se jette cette eau par-dessus sa tête, il se lave et il sera guéri du mauvais œil, inshallah ta'ala. Hada, quand il sait qui c'est la personne. Et la plupart du temps, on ne sait pas qui c'est. De toute façon, beaucoup de familles savent que dans telle ou telle famille, X ou Y a un mauvais œil. Ça, c'est connu dans les familles. Donc, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de faire des doigts avant d'être touché par le mauvais œil. C'est de faire des doigts avant d'être touché. Pour ne pas aller courir après et demander aux gens, etc., etc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est bon. Il a dit, non, c'est un hadith qui est sahih, pardon, c'est un hadith qui est sahih. Il a dit, اكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. Il a dit, dites beaucoup, faites beaucoup de prières sur moi le jour du vendredi. Vous savez que on fait des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ou bien on dit Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on dit Allahumma salli ala Rasulillah. C'est ça la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que tu dis une fois Allahumma salli wa sallam ala Rasulillah, Allah Azza wa Jal fait 10 prières sur toi. À chaque fois, tu dis une seule fois Allahumma salli ala Rasulullah, Allah Azza wa Jal lui-même fait sur toi 10 prières. Vous savez ce que c'est la prière d'Allah sur la personne. Ça veut dire, il va te citer devant les anges, etc. Yani, il va vanter tes mérites devant les anges en haut au ciel. 10 fois, il va dire X, c'est une bonne personne, X, c'est un croyant, etc. Il va vanter tes mérites. Allah subhanahu wa ta'ala en personne, toi qui n'as rien fait, tu as dit seulement Allahumma salli wa sallam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez yani comment le temps passe et on passe notre temps à jouer et à dire n'importe quoi et à mentir et à dire je ne sais pas ce qu'on dit, on passe le temps dans le vide alors qu'on pouvait yani rentrer des milliers de hasanat par jour. Et c'est le shaitan bien sûr qui nous fait perdre tout ça jusqu'à ce qu'on dort. Et on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a rien fait. Oulayadu billah. Donc je disais, à chaque fois qu'on fait une salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla en fait 10 sur nous. Mais ici, ça c'est dans tous les jours. Mais ici, il parle spécialement du vendredi. Il a dit, faites beaucoup de prières sur moi le vendredi. Pourquoi? Il a dit, il n'y a pas une personne qui, le vendredi, dit Allahumma salli ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa urid aliya salatuhu. Il a dit, mais le vendredi spécialement, quand vous dites yani, cette prière sur moi, la prière elle-même yani, m'arrive au quoi? Dans la tombe, et on me la fait passer comme ça devant mes yeux, ou bien on me la fait entendre que X, qu'est-ce qu'il a fait? X a dit sur toi Allahumma salli wa sallam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est bon, c'est le 1211. Hadith 1211. Il a dit اكثروا ذكر هذه من لذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, comme je venais de dire, ce hadith qui est bon, il a dit, évoquez beaucoup la mort. mais il n'a pas dit le mot la mort. Il a dit évoquer beaucoup celui qui fait démolir, celui qui fait démolir les tentations. Non. Les tentations, yani pour ce qui les annule, ce qui les démolit. C'est comme par exemple une maison. Une maison, hein, pour la démolir, on doit la démolir. La même chose, maintenant la tentation, avec quoi on va la démolir? On a beaucoup de tentations. Tout le monde a des projets, des tentations, etc. Comment on va les annuler? Comment on va les éloigner de nous? Le hadith a dit les démolir, non seulement les éloigner, c'est possible qu'elles reviennent, mais yani, les anéantir pour qu'elles reviennent, comme il a dit, le seul remède, c'est de penser beaucoup à la mort. Naam, c'est de penser beaucoup à la mort et d'invoquer, d'invoquer beaucoup, beaucoup la mort. Yani, de penser beaucoup à elle, de l'invoquer yani, dans ton cœur, yani, tu te rappelles beaucoup la mort. Rappelez-vous, beaucoup la mort, c'est elle qui a anéanti les grandes tentations. Ensuite, il a dit, فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْءٍ مِنْ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Le prophète صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم يعني il dit des choses يعني extraordinaires. نعم, il dit des choses يعني سبحان الله العظيم. Regardez ici ce qu'il a dit dans ce hadith. Il a dit quand quelqu'un يعني se rappelle beaucoup de la mort, chaque fois il parle, yani, il pense à la mort, matin et soir, il se rappelle de la mort. Il a dit, s'il vit, yani, il vit un peu malheureux, yani, il n'a pas beaucoup d'argent, il a beaucoup de problèmes, il n'a pas de moyens, etc. Il a dit, s'il est comme ça, le fait de penser à la mort, qu'est-ce qu'il va faire? Le fait de penser à la mort va yani, agrandir tes horizons, va t'enlever ses problèmes. Pourquoi? Parce que quand on est pauvre, etc., yani, on a des problèmes, on dit, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais dès que tu te rappelles la mort, tu te fais oublier. Demain, je vais mourir. Demain, il y a le paradis. Demain, il y a tout ce que je veux dans le paradis. Demain, il y a tout ce que je souhaite dans le paradis. Ensuite, demain, quand on meurt, il y a l'enfer, il y a que ça. Donc, il faut que je pense beaucoup plus à ce qui m'attend que à ces tentations d'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un, il est malheureux, etc., quand il pense à la mort, ça lui fait oublier ses malheurs. Et le contraire, il a dit, et quand quelqu'un, yani, vit bien, etc., il a beaucoup d'argent, il est yani, à l'aise, etc., il a dit, s'il pense beaucoup à la mort, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, yani, ça va, yani, comment dirais-je, yani, ça va rétrécir de lui les grandes tentations. Non, pour quand tu veux, tu te dis, je vais faire ceci, je vais bâtir cela, je vais acheter ceci, je vais... Ensuite, tu te rappelles qu'il y a la mort, et tu vas dire, « Aoudou Blamin Shaitan Rajim, laissez-moi faire seulement l'essentiel. Je ne voudrais pas faire des choses qui ne sont ni obligées ni rien. Je voudrais faire seulement vivre avec l'essentiel, vivre seulement à l'aise, ne pas demander aux gens, etc. Mais ne pas faire comme font les koufars. Les koufars, pourquoi ils, du matin au soir, ils ne pensent qu'à leur projet, qu'à bâtir, qu'à faire. Pourquoi? Parce que ils disent qu'il n'y a pas un autre monde. Donc, quelqu'un qui ne vit qu'une fois, c'est très naturel que du matin au soir, il ne pense qu'à vivre, qu'à bâtir, qu'à construire, qu'à avoir de l'argent. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il a dans sa tête et dans son cœur qu'il ne va vivre qu'une seule fois. Mais nous, les croyants, on a dans nos cœurs et yakin, certitude, qu'on va vivre notre vie. Et que l'autre vie, c'est celle la vraie vie. C'est l'autre la vraie vie. Celle-là, c'est pas la vraie vie. Celle-là, c'est comme un rêve. Demain, quand tu seras dans ta tombe, tu diras, subhanallah, j'ai rêvé ou quoi? Hein? J'avais des enfants, j'avais un père, j'avais une mère, j'avais une maison, j'avais une voiture. C'est un rêve ou quoi? Tellement ça passe vite, et tellement ce n'est rien. C'est comme, il faut toujours te dire dans la tête, la vie, c'est comme un pont. Un pont. Il y a la mer et il y a le pont. Le pont au-dessus de la mer. On n'a jamais vu quelqu'un qui a commencé à traverser le pont et qui s'est arrêté au milieu du pont. On n'a jamais vu ça. Personne ne s'arrête, sauf si sa voiture y a une panne ou bien il crève. Il n'y a personne qui s'arrête au milieu du pont et pose sa tente et va dire, je vais habiter ici, je vais manger, je vais dormir. impossible. Il traverse le pont. Pourquoi? Il a une idée, c'est de le traverser pour aller de l'autre côté. La même chose, cette vie, c'est un pont. Tu vas le traverser, tu dois le traverser pour aller de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté du pont qu'il y a ce qui t'attend, pour celui qui s'est préparé. Ceux qui ne se sont pas préparés, ce n'est pas la peine demain de pleurer ou de te tirer les cheveux ou de se griffer les joues. Là, ce n'est pas la peine de tout ça. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont pleurer des lacs de sang. Et tout ça, ça ne va rien leur faire. Pourquoi? Parce que l'Azawj leur a donné l'occasion. Il t'a donné 20 ans, il t'a donné 50 ans. À d'autres, il en a donné 100 ans, 120 ans, 130 ans. Et ils n'ont pas voulu faire le repentir. Ils n'ont pas voulu suivre le chemin. Ils n'ont pas voulu travailler et remplir dans la banque de demain qui les attend. Ils ne veulent pas remplir les hasanat dans la banque. Ils n'ont rempli que les zéros dans la banque de ce bas monde. Donc cela, ce n'est pas la peine qu'ils se plaignent. Ce sont eux les poutifs. L'Azul a dit « وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ » Il a dit « On ne les a pas lésés. » Abadan, l'Azul, il n'est jamais injuste. Ce sont eux qui se sont fait des problèmes à eux-mêmes. Et tu ne trouveras demain que ce que tu as fait aujourd'hui. Ce que tu as semé aujourd'hui, tu le trouveras demain. Tu as semé du blé, tu trouveras du blé. Tu as semé de l'or, tu trouveras de l'or. Tu as semé des hasanats, tu vas trouver des hasanats. Celui qui n'a pas semé, c'est de sa faute. Celui qui a passé son temps à jouer, à boire et à rire, celui-là, c'est pas la peine de se plaindre. Yani, là, c'est trop tard pour lui. C'est trop tard pour lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit, c'est un bon hadith, bon, il a dit, Akrim sha'raka wa ahsin ilayh. Akrim sha'raka wa ahsin ilayh. Il a dit, yani, honore. À peu près, je ne connais pas le mot à 100%, il a dit honore tes cheveux. Et, yani, ne les laisse pas comme ça. Ne les laisse pas comme ça, yani, ébouriffés, etc., sales, etc. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith, il a dit celui qui a de longs cheveux, celui qui a des cheveux, hadith sahih aussi. Il a dit celui qui a des cheveux, par exemple, les cheveux assez longs, yani, qu'il les honore, qu'il les nettoie, qu'il mette du savon dans ses cheveux, qu'il mette du shampoing, qu'il les lave, il ne laisse pas plein de saleté, plein de poux, plein de... Il doit les laver. Naam. Mais, et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans un autre hadith qui est sahih, ce hadith se trouve aussi dans ce livre. Le hadith se trouve aussi dans ce livre, on le verra aussi lorsqu'on y arrivera, Inch'Allah Ta'ala. C'est le hadith de Jabir radiallahu ta'ala anhu. Il a dit que Atana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu une fois, il est venu vers nous. Ensuite il a dit Tara'a rajulan sha'itan qad farraqa tafarraqa sha'ruhu. Il a dit il a vu quelqu'un avec les cheveux comme ça ébouriffés, les cheveux comme ça, et c'est comme si ses cheveux comme ça levés vers le haut comme ça sales, etc. Il a dit ما كان هذا يجد ما يسكن به شعره. Il a dit celui-là, il n'a pas trouvé avec quoi faire descendre ses cheveux comme ça vers le ciel, comme on dit les peigner. Il n'a pas trouvé quelque chose pour peigner ses cheveux, celui-là. Et ensuite il a vu un autre homme qui avait des vêtements sales. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam ama kana hadha yajidu ma yakhidu bi thawbah. Il n'a pas trouvé celui-là de quoi laver ses vêtements. Donc celui qui croit que en islam, on laisse les cheveux comme ça, sales, on laisse les cheveux pleins de poux, on laisse les cheveux comme ça ébouriffés, et on se met des vêtements sales, etc. Celui-là, il se trompe beaucoup. C'est pas l'islam qui lui a dit cela, celui-là, c'est le shaitan qui lui a dit cela. Naam, d'accord, la modestie, c'est bien. La modestie, ce n'est pas que tu mettes des vêtements sales, c'est que tu mettes des vêtements qui sont modestes. C'est-à-dire que tu n'achètes pas des choses qui sont très chères, des choses qui sont très belles, mais ça ne veut pas dire que tu mets des sales. Non, tu mets un pantalon qui n'est pas très cher, etc., mais il n'est pas sale, il est propre. Voilà la différence, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Et bien sûr, quand quelqu'un doit soigner ses cheveux, doit se soigner, doit soigner ses vêtements, etc., c'est pas au point d'exagérer. Il n'exagère pas au point que ça devienne une adoration. Au point que ça devienne une adoration, comme Ma'al Asif font certains gens. Comme Ma'al Asif font certains gens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il dit que Naha an tarajjuli illa ribban. Naha an tarajjul illa ribban. Ribban. Ça, ce hadith, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un hadith aussi qui est authentique où, il est, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, a même interdit de beaucoup se peigner, de beaucoup se peigner. Les ulama ont dit, donc comment on fait? Comment on fait pour joindre entre les deux hadiths? Le hadith le premier où il a dit, celui qui a des cheveux, il doit peigner, etc. Et l'autre hadith où il a dit qu'il ne faut pas beaucoup se peigner. Il a dit, les ulama ont dit, on joint entre les deux hadiths, on dit que, en général, on se peigne. En général, on se peigne, surtout quand on sort, surtout quand on va rencontrer des gens, etc. Mais de temps en temps, si on peut, on ne se peigne pas. De temps en temps, une fois par mois ou là, par exemple, on est à la maison ou là, c'est pas la peine de se peigner. Pourquoi? Pour appliquer le deuxième hadith et pour ne pas donner aux cheveux une importance, yani, que c'est très grave. C'est très grave si je ne me peigne pas. Non, si je ne me peigne pas. Non, c'est pas très grave. C'est pour ça que ce hadith, par exemple, s'applique aux gens, et surtout aux femmes qui, par exemple, restent 3, 4 à 5 heures devant un miroir. Du matin au soir, elle est en face du miroir. À celle-là, on lui dit un hadith qui dit, Adak, c'est pas comme ça. Pas comme ça, un hadith qui dit, on se peigne que rarement. Mais celui qui ne se peigne pas du tout, on lui applique le premier hadith. On lui dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un qui n'était pas peigné, il lui a dit, peigne-toi, il ne laisse pas tes cheveux comme ça, yani, ébouriffés. Donc, il y a certaines personnes, yani, c'est, ou bien, tout à fait à gauche ou bien tout à fait à droite. Ou bien se peigne jamais, ou bien se peigne du matin au soir. Et tout ça, c'est faux. Le vrai, c'est le milieu pour joindre entre les deux hadiths, comme je viens de le dire, et pour ne pas faire de cela une adoration. Hein? Je ne m'adore pas, moi. Moi, je me peigne seulement. Je ne fais pas comme ceux qui restent 3, 4 à 5 heures devant le miroir du matin au soir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est bon, il a dit, Ekrimu l'khobz. Ekrimu l'khobz. Il a dit aussi, honorer le vin. Tout à l'heure, je viens de dire, ça fait 2 minutes, le hadith, il a dit, honorer les cheveux. Maintenant, il parle du pain. Il a dit, honorer le pain. Honorer le pain. Ça veut dire, comme a dit les ulama, le pain, c'est la base. C'est la base de, yani, du manger. Surtout chez les musulmans. Surtout chez les pauvres, par exemple. Surtout chez les musulmans. Chez nous, par exemple, si vous me posez n'importe quoi sur la table, les meilleurs poissons du monde, la meilleure viande, vous ne me posez pas le pain, moi je ne peux pas manger, franchement. Moi je parle de moi-même. Moi je ne peux pas manger s'il n'y a pas le pain. Pourquoi? C'est quelque chose d'essentiel, c'est la base. C'est comme ça qu'était, yani, c'est une habitude des salafs. Yani, le pain chez eux, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de très très important. Là, je vais me manger la plupart que le pain et du lait. Le pain et de l'huile. Le pain et du vinaigre. Le pain et des olives. Le pain et des dattes. Toujours il y a le pain. Toujours il y a le pain au milieu. Donc le pain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut l'honorer. Comment qu'on l'honore? Certaines personnes, par exemple, quand elles marchent dans la rue, elles voient le pain, elles le prennent et elles le mettent sur la bouche, l'embrassent, ensuite elles le lèvent sur le front. Ils l'embrassent, ils le mettent sur le front, ensuite ils le mettent de côté. L'embrasser et le mettre sur le front, c'est pas dans la sunna, ça peut même être une bida. Naam, tu peux le prendre, par exemple, et le mettre de côté. Pourquoi? Pour ne pas qu'il soit piétiné. Pour ne pas qu'il soit piétiné. C'est pour ça que les ulama ont dit, dans une sagesse, c'est pas un hadith, mais c'est une sagesse. Les ulama ont dit, en parlant du pain, ils ont dit, yubes, wala yudes. Yubes, wala yudes. Est-ce que ça veut dire yubes ici? Est-ce que ça veut dire, c'est, il s'embrasse, on l'embrasse, ou bien ça veut dire, on le durcit, on le met de côté. Vous savez que le pain, quand on le met par exemple dans un sachet ou là, on le laisse un mois ou là, il devient dur. Même en étant dur comme ça, des fois, on a besoin de lui. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous connaissez cela, c'est sûr que vous, les femmes connaissent, il y a quelque chose qui s'appelle tchurchura. Quelque chose qui s'appelle tchurchura. Je ne parle pas de ce qu'on appelle tchurchura d'Absekra, de Biskra. Biskra, c'est pas, je ne parle pas de celle-là. Celle-là, elle est faite, elle est très riche et variée, etc. Je ne parle pas de celle-là. Il y a une chose qui s'appelle tchurchura. On la prépare seulement avec le pain hada qu'on a fait durcir. On le laisse un mois au lamchap, ensuite, avant bien sûr qu'il ne devienne bleu. S'il devient bleu, là, on doit le jeter, c'est un poison. Mais avant qu'il devienne bleu, après l'avoir durci, je ne sais pas combien de temps, un mois ou là, on fait une sorte de shorba. Shorba, spécialement au lieu des vermicelles, spécialement avec ce pain durci. En Algérie, chez nous, on appelle ça tchurchoura. Je ne sais pas, plus en Algérie, je veux dire à Alger, les environs. Maintenant, d'autre part, je ne sais pas comment on l'appelle. Ça, c'est quelque chose de très bon, très, son goût est très bon. D'ailleurs, moi, personnellement, Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Elle fait saut parce que j'étais déconnecté. Elle fait saut. Naam, jazakallahu khairan. Ibrahim 13, regarde, chauffe, de temps en temps, naam, de temps en temps, Ibrahim, de temps en temps, tu regardes dans la liste. Moi, j'ai pas le temps, je suis en train de. Je veux être concentré. De temps en temps, tu regardes dans la liste. Quand tu trouves des pseudos qui n'ont rien à voir avec elle, qui sont aïb ou la. Blasphème ou là, tu les fais sortir de la salle. Quand tu trouves un pseudo qui est Aïb, non, Aïb ou là, je ne sais pas quoi, là, il insulte, ou là, tu te fais sortir de la salle. C'est pas la fin de se le dire. Je disais que, je parlais de quoi, hein, où je me suis déconnecté, je parlais de quoi la dernière des choses, je disais de quoi? Je disais quoi exactement? Je parlais de Tchirtchoura ou là, Khalas. Est-ce que je me suis arrêté au Tchirchoura ou là j'ai terminé autre chose? Le matin? Khobziyab. Barakallahu fik. Naam. Khobziyab, ça. Le cadre de Khobziyab. Naam. Jazakallahu khair. Je disais que Tchirchoura a dit, je voudrais faire une petite remarque. C'est pas un marqa. Oui, c'est une sorte de marqa. C'est shorba. C'est shorba. Yani, on mange avec la cuillère. Parce que le marqa, on mange avec le pain. Ça, c'est on mange avec la cuillère, comme on mange une chorba, des lentilles, des vermicelles, etc. Mohem, naam, jazakallahu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans un autre hadith, je me suis arrêté. Naam. Il a dit, celui qui m'assure six choses, je lui assure le paradis. Celui qui m'assure six choses, je lui assure le paradis. C'est un hadith qui est bon, c'est le numéro 1225. Celui qui m'assure six choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui assurer le paradis. Awalan, il a dit, Ida haddatha ahadukum fala yakdhib. Si quelqu'un de vous parle, qu'il ne mente pas. Naam, le mensonge, qu'il ne mente pas. Mentir, c'est l'un des grands péchés. Certains musulmans croient que mentir c'est un petit péché. Moi je leur dis mentir c'est un grand péché. Pourquoi? Car Allah Azzawajal a dit dans le Coran, Innama yiftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Il a dit mente ceux qui ne croient pas, la yu'minuna bi ayatillah, ceux qui ne croient pas en les versets d'Allah. Et ceux-là, ce sont les menteurs. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez ce qu'a dit Allah Azzawajal sur le mensonge. Beaucoup de gens, yani, simplifient les choses. Yani, ils mentent comme ils respirent. Ils croient que c'est pas grave. J'ai rien fait. C'est un mensonge blanc. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Non, mentir, c'est un des grands péchés. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faites cette chose, vous me les assurez, je vous assure le paradis. La première des choses, ne pas mentir quand on parle. Ne pas mentir quand on parle. La deuxième des choses, c'est, comme il a dit, c'est dans le hadith, la deuxième des choses, il a dit, parce que je parlais avec quelqu'un, il a dit, Voilà, c'est pour ça que je voudrais être concentré. C'est pour ça que je ferme mes PV. Quand on m'envoie des PV, je ne me concentre pas. Je lis et je ne sais plus où j'étais. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a dit, s'il parle, qu'il ne mente pas. Ensuite, il a dit, la deuxième des choses, s'il me l'assure, je lui assure le paradis, si on pose un dépôt chez quelqu'un, il ne vole pas. Il retrouve son dépôt. Il retrouve son dépôt. Je m'arrête une seconde, quelqu'un m'a demandé de l'inviter. Je vais essayer de l'inviter dans la salle, quelqu'un m'a demandé de le faire. Je vais voir comment d'abord. Ah, ça va se trouver. Non. Je disais, la deuxième des choses, si quelqu'un, par exemple, te laisse un coffre, ou là des bijoux, ou là il te laisse sa voiture, ou là, il faut que lorsqu'il revienne, il trouve sa chose. C'est pas, tu vas la dépenser, ensuite tu vas lui dire on me l'a volé. Ça, c'est l'un des grands péchés aussi. Les musulmans, si on laisse une chose chez toi, tu dois la rendre à son propriétaire. Tu dois la rendre à qui? À son propriétaire. Si tu rends le dépôt, la chose déposée, tu la rends à son propriétaire, tu as assuré l'une des six choses qui font rentrer au paradis, comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez à ce hadith du Bukhari, je l'ai dit il y a seulement 2 ou 3 jours, le hadith du Bukhari, les trois qui sont rentrés dans une caverne. Ensuite, ils ont été bloqués par un grand rocher. Ils ont dit, alors on va faire des doigts pour sortir. Hein? On va faire des doigts sur avec nos meilleures actions. L'un des trois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a travaillé chez moi. Et ce quelqu'un, je me suis, yani, lui et moi, je lui ai dit, yani, je te paye pas, yani, de l'argent, mais je te paierai. Attendez, bien, dites-moi, je sais pas comment faire. Ensuite, il a dit, Ya Allah, tu sais que quelqu'un travaillait chez moi et je lui donnais, yani à chaque fin du mois, je lui ai dit, je te donne tant de kilos, par exemple, de riz, tant de kilos de riz. Et cette personne, quand il a travaillé chez moi, à la fin du travail, lorsque je lui ai donné ces kilos de riz, ces sacs de riz qu'il me devait, il n'a pas voulu les prendre. Il a dit non, ça c'est peu. Il est parti, il me les a laissés. Ya Allah, tu sais que moi, ces kilos de riz, yani ces sacs de riz, je les ai plantés, ça a donné encore beaucoup de riz. Ensuite, j'ai vendu sans riz, j'ai acheté des animaux, j'ai acheté des vaches, des taureaux, des moutons, des chèvres, je les ai accouplés. Ça a donné des centaines de vaches, des centaines de milles, des centaines de chèvres, etc. Ensuite, il a dit, un jour, il est revenu. Un jour, il est revenu. Il m'a dit, donne-moi mon dépôt, donne-moi ma amana. J'ai changé d'avis, je veux prendre mon riz. Alors l'autre lui a dit, regarde, tout ce que tu vois devant toi ici, toutes ces vaches, ces chevaux, ces chèvres, etc., sont à toi. Il lui a dit, Yannick, tu plaisantes? Il lui a dit, je plaisante pas. J'ai vendu ton riz, je l'ai planté, il a donné beaucoup plus, j'ai acheté des chèvres et je les ai accouplées, etc. Ça a donné tout ça. Il a dit, Ya Allah, cette personne a tout pris et ne m'a rien laissé. Pourtant, il n'était pas obligé de faire tout ça pour lui. Il pouvait lui cacher les sacs. Quand il revient, il lui dit, prends tes sacs de riz. Non, celui-là, il les a fait travailler, il a sué, etc. Et l'autre ne lui a rien laissé. Il a dit, Ya Allah, si j'ai fait ça en la cause, yani en ta cause, pour ton visage, fais-nous une solution. Et Allah Azzawajal a poussé un peu le rocher pour qu'il puisse voir là, il puisse voir ce qui se passe à l'extérieur et sentir l'air, etc. Ce qui a rapport au DAS ici, c'est quoi? C'est qu'il lui a rendu son amana. Il lui a pas dit, non, moi je t'ai donné des sacs de riz, tu n'as pas voulu les prendre, maintenant je ne les ai plus, je les ai dépensés. Il lui a rendu son amana. La troisième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la troisième, qui, si on l'assure, il nous assure le paradis, il a dit, wa ida wa'ada fala yukhlif. Quand il donne un rendez-vous, yani, il est là. Pas seulement un rendez-vous. Ça s'appelle wa'd, une promesse. Quand il dit une promesse, il l'exauce. Donc il dit, si tu fais ceci, je te donne cela, ou bien viens demain à l'endroit X, je vais te donner cette chose, ou bien je vais te prêter ma voiture demain ou là. Quand il fait une promesse, il l'exauce. Il l'exauce. Naam. Les ulama ont dit, des fois tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, il t'attend par exemple à 10 heures devant telle place, et tu ne pars pas, et tu peux ne pas avoir de hitm. Pourquoi? Parce que, c'est quoi le hitm? C'est quand tu donnes une promesse, et toi, en ton cœur, en ton fort intérieur, tu sais que tu ne vas pas l'exaucer. Voilà où c'est le hitm. Mais moi, quand je donne un rendez-vous à quelqu'un, ensuite arrive une chose qui est grave et qui m'empêche de partir, ça, je n'ai pas le hitm. Moi, quand je donne un rendez-vous à quelqu'un, je lui dis, viens demain à 10h devant la place X, la place X, je vais te prêter 1000 euros. Ensuite, avant de partir au rendez-vous, il y a quelque chose de grave qui se passe à la maison, ou il y a quelqu'un de malade très grave, ou là, je pars à l'hôpital au lieu de parler, je pars à l'hôpital au lieu de partir chez la personne, et je n'ai pas manqué de rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que moi. Surtout que maintenant, il y a le téléphone pour téléphoner, etc. C'est très simple. Donc, manquer le rendez-vous qui est un ism, c'est lorsque on n'a pas de raison valable. On n'a pas de raison, de force majeure qui nous empêche. Voilà. Sinon, on peut être et on est excusé, mais quand on fait une promesse et on sait d'avance, on ne va pas la tenir. Ça, on a fait deux choses. Hein. On a menti et on n'a pas tenu la promesse. La quatrième des choses, c'est le prophète Ali Soussam a dit wa ruddu absarakum. Ruddu absarakum. Naam, yani baissez de vos regards, baissez vos yeux. Yani, je veux dire par là, ne regardez pas le haram. Ne regardez pas le haram. Vous savez que les yeux qu'on a, c'est une amana aussi. C'est un dépôt. Allah Azza wa Jal les a laissés chez nous comme amana. Et demain, Allah Azza wa Jal va te demander. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah Azza wa Jal demain va te demander qu'as-tu fait avec tes yeux, qu'as-tu fait avec tes mains, qu'as-tu fait avec tes pieds, qu'as-tu dit avec ta langue, qu'as-tu fait avec ton estomac, qu'est-ce que tu as mangé, etc. Qu'as-tu fait avec ton argent, etc. Donc toutes ces choses que l'argent nous a donné, les yeux, les mains, les oreilles, il va nous demander demain qu'avez-vous fait avec eux et avec elles. Donc tes yeux, il faut que tu saches que ils ne t'appartiennent pas réellement. Non, ils t'appartiennent. C'est-à-dire que tu peux voir où tu veux, mais n'oublie pas que demain, il y a des questions qui t'attendent. Naam. Alors, dites-moi, barakallahu fikoum, quand sera le sort de ceux qui passent des heures à voir des films de haram? À voir des femmes nues, des hommes et des femmes en train de faire le haram. Comment? Quel est le sort qui leur sera réservé cela? Qu'est-ce qu'ils vont dire demain à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné une ni'ma, il t'a donné une grande ni'ma? S'il voulait lui, il t'aurait pris les yeux. Pourquoi il les a pris à X et à Y et ne te prend pas à toi? Il te prend la vue, allez, tu ne vas plus voir. Il ne peut pas l'azer au djinn. Il peut, c'est lui qui te les a donnés, il peut te les prendre. Il te les a laissés, au lieu de le remercier, en baissant le regard, en ne voyant que le halal, au lieu d'avoir des hasanat, c'est une ibadah, c'est une adoration. Le fait de ne pas regarder le haram, tu as une adoration. Tu allumes la télé ou là tu vois, je ne sais pas, l'internet. Il y a le haram, tu baisses les yeux, tu éteins la télé, tu as des ajr. Naam, tu as des ajr. Pourquoi tu as fait cela? Moi, personnellement, je voudrais voir si c'était pas interdit. Mais parce que Allah Azza wa Jalla n'aime pas que je vois, je ne vais pas voir. Allah Azza wa Jalla dira, celui-là, c'est vraiment mon serviteur. Naam, celui-là, c'est vraiment mon serviteur. Il n'utilise ce que je lui ai donné que dans les choses que je veux. Il n'utilise ses yeux que dans le halal, sa bouche que dans le halal, ses mains que dans le halal, ses pieds, il ne va qu'aux endroits halal. Voilà mon vrai serviteur. C'est pas celui qui croit que il termine la salat, il la picore comme le corbeau, ensuite il dit salam alaykoum, salam khla, ensuite il sort de la mosquée, il dit maintenant je suis libre, je vois ce que je veux, je dis ce que je veux, j'écoute ce que je veux. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla n'existe donc que dans la mosquée. Khlas, tu sors de la mosquée, il n'y a pas Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu sors de la mosquée, il n'y a pas le Coran, il n'y a pas la Sunna. Tu sors de la mosquée, il n'y a plus l'islam. L'islam, je vais laisser dans la mosquée, comme font les chrétiens. Le christianisme, c'est seulement dans l'église. Tu sors de l'église, tu fais ce que tu veux, tu bois du vin, tu montes, tu fais ce que tu veux, c'est permis. C'est seulement quand tu es avec le curé. Ensuite, remplis-toi de fautes, fais n'importe quoi, et va au curé, tu lui donnes, je sais pas, 100 euros, je sais pas, il va te pardonner. Masha Allah, comme c'est facile. Je fais du matin au soir des péchés, et le dimanche, je vais à l'église, monsieur le curé, comment allez-vous, vous allez bien, merci. Voilà, 100 euros, je ne sais pas quoi. Allez, faites-moi des doigts. Allez, mon fils, ma fille, tout est pardonné. Va faire ce que tu veux, va boire du vin, et fais ce que tu veux, tout est pardonné, et reviens, Inch'Allah, dimanche prochain, un peu d'euros, ramène-moi des choses, Inch'Allah, et Inch'Allah, tout sera pardonné. Masha'Allah, comme c'est facile. Très facile, le christianisme, madame. Masha'Allah. Donc, je disais, la sixième chose, c'est quoi? Comme a dit Allah Azza wa Jal, pour les mu'minin, a yaruddu min absarihim. Dit aux croyants de baisser le regard, yani ne pas regarder le haram. Ça, c'est un ordre, c'est un verset coranique, sourate An-Nur. Pour les mu'minin, a yaruddu min absarihim, wa yahfadu furujahum. Directement après ce verset, qu'a dit Allah Azza wa Jal? Et, yani, yahfad, comment on dit yahfad, préserve. Et préserve, yani, leur sexe. Pourquoi il a dit cela juste après le verset du regard? Parce que quand tu regardes le haram, tu as les tentations qui maintenant en rapport, yani, avec, yani, ton sexe. Voilà. Parce que tu as vu le haram, tu sens, yani, quelque chose en toi, yani, qui commence à bouillir. Pourquoi? Justement, c'est pour ça la relation entre le regard et la fornication, vouloir faire la zina. Parce que tu as regardé le haram, maintenant tu ne te retiens plus, tu veux faire le haram, le grand haram qui est la zina ou l'ayadu billah. Si tu t'étais éloigné, tu n'avais pas vu le haram, ton cœur serait serein. Allah Azza wa Jal descend la sérénité, la quiétude sur ton cœur, il affermit ton cœur, ça tu dis rien la zina. Et toi maintenant tu vois le haram avec tes yeux, classe, tu es excité, tu es motivé, tu cherches à faire la zina. Ensuite, quand il ne trouve pas la zina, il va faire des trucs avec sa main, ou l'ayadu billah, et voilà un autre grand péché, ou l'ayadu billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa kuffu aydikum, la cinquième des choses, wa kuffu aydikum, et la sixième des choses, wa hfadu furujakum, kuffu aydikum, ça veut dire, avec nos mains, le musulman, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, muslimu min saliman nas min in yadeh, yani, avec ta main, tu ne fais que ce que Allah Azza wa Jal aime. C'est pas avec ta main, tu vas voler des gens, tu vas prendre l'alcool avec ta main, tu vas vendre le vin, vendre la cigarette. La main, c'est une amana, c'est une chose déposée chez toi, comme je disais tout à l'heure. La main, Yom al-Qiyama, elle va parler. Elle va dire, Ya Allah, j'ai fait ceci, cela, Ya Allah, j'ai pris la bière avec ma main, j'ai pris la bière, j'ai fait ceci. Ta main va être le plus grand ennemi pour nous. Demain, nos membres, les pieds, les mains, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, ce sont eux qui vont être notre premier et grand ennemi. Naam, on va essayer de mentir le jour du jugement dernier. Tout le monde veut mentir. On croit que Allah Azza wa Jal, astaghfirullah, ne sait pas rien que comment. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Tu vas essayer de mentir. Là, je vais te dire, attends, c'est pas la peine. Voilà, maintenant, il va ordonner à ta bouche de, yani, il va lui mettre quelque chose, yani, pour ne plus parler. Ensuite, c'est tes mains qui vont parler, c'est notre nez qui va parler, c'est nos jambes qui vont parler, comme c'est dans le Coran, sur Yassin et les autres. وَتُكُلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et ils ont dit aussi, قَالُوا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. نعم. يُمَتَّشَدُوا عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc, toutes ces choses, yani, vont parler demain et on n'aura, bien sûr, aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sixième des choses, je viens de la dire et je l'ai dévancé, c'est, il a dit, yani, ils ne doivent pas faire le haram, yani, avec leur sexe. En islam, il n'est permis, yani, la jouissance seulement avec sa femme, seulement avec Moulkhil Yamin, c'est quand il y a la guerre avec les koufars. Maintenant, yani, le temps où nous vivons, yani, il n'y a pas Adam Moulkhil Yamin, il n'y a pas la femme qui vient de la guerre. Mais, donc en islam, on n'a que la femme. l'épouse et l'époux. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une deuxième solution. C'est pour ça que le prophète a demandé aux jeunes de se marier. On ne se laisse pas jusqu'à 40 ans et 45 ans, on va se marier. On se marie jeune. On se marie à 18 ans, à 17 ans. On se marie même à 16 ans. Surtout pour la femme. La femme, 16 ans, c'est peut-être beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où c'est bien de se marier. C'est l'âge où yani, c'est difficile de se retenir. On est en pleine expansion. Yani, on est plein de tentations. C'est l'âge où il faut se marier. Ensuite, quand on se marie jeune, c'est plus facile pour éduquer les enfants. À 50 ans, c'est difficile pour quelqu'un yani, d'éduquer ses enfants. Mais quand il a 25 ans seulement, il peut éduquer ses enfants. Donc à chaque fois yani, que l'occasion nous vient pour nous marier, pour, je parle de ceux qui ne sont pas mariés, il faut qu'ils se marient. Ils ne disent pas « Attends l'année prochaine, j'attends une année, j'attends deux années. » Plusieurs femmes, mal SF, ont dit « J'attends une année, j'attends deux années. » Ils ne se sont jamais mariés, mal SF. Non, plusieurs femmes. Plusieurs prétendants sont venus, elles disent « Non, je suis encore jeune, laisse-moi encore étudier, laisse-moi encore ceci. » Et ensuite, elle ne s'est jamais mariée. Ensuite, je vais terminer avec un hadith. Je vais terminer avec un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans ce hadith, il a dit « Akmalu al-mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans ce hadith « Les plus parfaits des croyants, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. » Ensuite, il a dit « Et les meilleurs de vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. » Donc, la première partie du hadith a dit que les meilleurs des croyants, parce que les croyants, ils ne sont pas tous au même rang. On n'est pas tous au même niveau. Il y a des croyants qui sont bien, il y a des croyants qui sont bons, il y a des croyants qui sont meilleurs, il y a des croyants qui sont mauvais, il y a des croyants qui sont au dernier rang en bas. Donc, il y a des différences entre les croyants. Beaucoup, beaucoup de différences. Plus on a de l'iman, plus on a de la science, plus on a du bon comportement, plus on est mieux que les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut montrer que le plus parfait des croyants, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est le meilleur avec sa femme. Le meilleur avec sa femme, celui qui ne bat pas sa femme. Est-ce que vous avez entendu une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a battu une de ses femmes? Quelqu'un peut me donner un hadith où le prophète a battu une de ses femmes une fois dans sa vie? Jamais il l'a fait. Jamais il l'a fait. Pourquoi nous on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et si notre femme nous énerve, on veut la battre? Pourquoi? Pourtant, on se dit qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on veut le suivre. Et pourtant, il y en a plusieurs fois, on ne le suit pas dans des choses que lui a faites. Je disais, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a le bon comportement et le meilleur comportement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit ma min shay'in adkhal fi al-mizan min husni al-khuluq. Le hadith dans Abi Daoud, il est sahih, il est authentique. Il a dit le jour du jugement dernier, vous savez qu'il y a une balance. Dans cette balance, on va mettre nos actions. Il a dit il n'y a pas quelque chose de plus lourd sur la balance que le bon comportement. Masha'Allah, non, le bon comportement, c'est la chose la plus lourde qui sera dans la balance. Ça veut dire, on ramène la salat, on ramène le hajj, ensuite on ramène le bon comportement, c'est lui qui va être le plus lourd après la, yani, quand on a bien sûr la salat, etc. On ne parle pas de ceux qui ont un bon comportement et qui ne font pas, par exemple, la prière avec des kuffars. Les kuffars, beaucoup de kuffars ont un bon comportement. Mais leur bon comportement n'est pas pour le visage d'Allah, n'est pas une adoration. Le croyant, son bon comportement, il le fait parce que c'est une adoration. Parce que Allah l'aime, parce que le prophète l'aime. Voilà pourquoi. Tandis que le kafir, non. Le kafir, il a un bon comportement parce qu'il a quoi? Il a une maslaha avec toi. Il a des avantages avec toi. Il a quelque chose derrière son bon comportement. Je voudrais que tu entres dans un magasin. Le kafir, il a un bon comportement. Il sourit, etc. Il voudrait que tu achètes. Tu achètes sa marchandise, etc. Mais le croyant, non. Le croyant, il a un bon comportement parce que Allah, il le fait comme adoration. Parce que Allah l'aime et parce que c'est quelque chose qui est de très lourd, quelque chose qui est très lourd demain quand il va rencontrer Allah sur yani, la balance, quelque chose de très lourd sur la balance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit, inna min ahabbikum ilayya, yani, il a dit, parmi les ceux que j'aime de plus, le plus de vous, d'entre vous, parmi ceux et celles que j'aime le plus, wa akrabikum minni majlisan, et ceux qui seront demain le jour du jugement dernier, ou la demain au paradis, ceux qui seront plus proches de moi, ahasinukum akhlaqan, ceux qui ont le bon comportement et les meilleurs de vous qui ont le meilleur comportement. Subhanallah al-Azim. Demain, inshallah ta'ala, quand on sera au paradis, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui va être près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ça, j'espère que vous, tout le monde sait cela. Je ne vais pas être plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr. Je ne vais pas être plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar, que Ali, que Uthman, que Sahaba. C'est impossible. Je vais pas être plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'imam Malik ou Abu Hanifa ou Shafi'i, les grands ados, les grands ulama, etc. Mais si tu veux te rapprocher plus ou moins, il faut quoi? Il faut avoir le bon comportement. Sinon, tu es d'être très très loin, quoi qu'en étant dans le paradis, mais tu es très loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu le vois très très loin, il est là-bas. Comme tu vois toi par exemple, avec tes yeux, tu vois l'horizon là-bas. Là-bas est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les autres sont très près de lui. Il est possible que tu sois très près de lui, même si tu n'es pas, il n'y en a plus près, yani que Abu Bakr Omar, tu es très près, hein, c'est possible, Allah Azza wa Jalla peut tout faire. À cause de quoi? À cause de ton bon comportement. C'est pour ça, Allahumma nas'aluka, comme dit Abu Ishaq, Allahumma nas'aluka mahasin al-akhlaq. Na'am. Et c'est avec le bon comportement que beaucoup, beaucoup de gens sont rentrés en islam. Na'am. C'est avec le bon comportement que beaucoup, beaucoup de gens sont rentrés en islam. Les gens ne rentrent pas, les kuffars ne rentrent pas en islam parce que tu fais beaucoup de prières ou bien parce que tu fais beaucoup de siyam. Non, ça ne les intéresse pas. Les kuffars rentrent en islam quand ils voient que tu as un bon comportement. Quand tu le vois, ils voient que ce n'est pas contradictoire. C'est pas toi tu parles aux gens, l'islam il est beau, l'islam il est masha'Allah, l'islam aime les gens, l'islam c'est la gentillesse, l'islam c'est la beauté, l'islam c'est que là. Ensuite, quand ils voient en toi, c'est tout à fait le contraire, ton image dans le contraire. C'est pour ça que je n'oublierai pas de dire, si à chaque fois que tu es la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam, yani c'est mieux, comme a dit le prophète, il a dit à Ali, il a dit, si Allah Azza wa Jalla guide quelqu'un et tu seras la cause, c'est mieux que c'est mieux que yani, le soleil se lève. Le soleil se lève sur quoi? Il se lève sur le monde. Tout le monde, il y a le soleil qui est en haut. Donc le prophète a dit, si quelqu'un, tu seras la cause toi pour qu'il fasse tawbah, c'est mieux que on te donne tout le monde, hada, tout le monde. Tout ce monde avec son or, avec son diamant, tout ce monde, hada, que quelqu'un, tu sois la raison pour qu'il fasse le repentir, qu'il rentre en islam, c'est mieux que on te donne tout le monde. Et vice versa, yani le contraire. Maintenant, si toi tu vas être la cause pour faire fuir quelqu'un de l'islam, ça veut dire que tu as fait l'un des grands péchés. Comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa inna minkum la munafirin. Il a dit, il y a de vous des gens qui font fuir les gens. Naam. Donc essaye, n'oublie pas que tu ne vis pas pour toi seulement. N'oublie pas, tu t'es dit je suis musulman, tu t'es dit je suis pratiquant. Maintenant tu as ta barbe, tu as je ne sais pas quoi, on te montre du doigt, voilà, celui-là c'est un musulman, celui-là c'est un pratiquant. Alors attention que tu donnes une mauvaise idée de l'islam, attention que tu donnes une mauvaise image de l'islam, attention que tu amochisses, hein, tu fais de l'islam une image moche. L'islam c'est un dépôt, c'est une amana chez nous, c'est pas mon islam, c'est pas l'islam de mon père ni de mon grand-père. L'islam c'est l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala si tu fais rentrer des gens ou bien si tu les fais fuir. Donc attention, barakallahu fikum, n'oubliez pas que vous avez une grande responsabilité, surtout vous qui vivez en Europe. Vous, quand vous sortez dans la rue, on vous voit, on vous montre du doigt. Donc, si vous faites quelque chose yani, qui donne une mauvaise idée de l'islam et vous faites fuir les gens de l'islam, ça veut dire que vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala yani courroucé. Pourquoi? Parce qu'on donne une très mauvaise yani idée de l'islam. الشيخ في أحد يطلب منكم ما أحد من حاضرين أن تعيدوا ما هي الأشياء الست التي تدخل المرأة الجنة. المرأة الجنة نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a six choses. Si vous me les assurez, je vous assure le paradis. Il a dit, je reviens un peu en arrière, il a dit ne pas mentir. Ne pas mentir quand on parle. C'est la première. La deuxième, si on te donne un dépôt, on pose quelque chose chez toi, une MNA, une déposition, tu la rends. Tu la rends la chose. Non. Si tu peux, si tu es. Puis du genre qui ne rend pas les choses ou là, il ne faut pas la garder. Quand on veut te la donner, tu dis non, pardon, je ne peux pas la garder cette chose. Donc, si tu gardes une chose comme dépôt, tu dois la rendre. Et tout mina falayhun. Wa ida wa'ada falyukhlif. Quand il fait une promesse, quand il fait une promesse, il l'exauce. Quand il fait une promesse, il l'exauce. Quatrième des choses, il baisse le regard. Il ne regarde pas les choses de haram. Il ne regarde pas les choses de haram. Cinquième chose, les mains. Avec ses mains, yani il ne frappe pas les gens, il ne vole pas les gens, il ne fait pas des mauvais gestes. Avec ses mains, etc., il ne tue pas les gens. Et la sixième des choses, yani il ne fait pas le haram avec son sexe. Yani il ne fait pas la zina, il ne fait pas la fornication. Yani il ne fait pas aussi la jouissance avec sa main. Tout ça, c'est haram. Yes. Six choses. Maintenant, j'arrête Inch'Allah Ta'ala ici. Et on va passer aux questions Inch'Allah Ta'ala dans 5 minutes. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, on se rencontrera dans 5 minutes. Subhanallah wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت في صوت هل في صوت؟ نعم. On va commencer inchallah directement les questions pour ne pas perdre beaucoup de temps. Pour ne pas perdre beaucoup de temps inchallah ta'ala. Parce que vaut mieux qu'on commence maintenant. Ça y est, avant de commencer la première question, j'ai quelque chose de très important, une chose très importante à dire. C'est pour ça que je voudrais que vous m'écoutiez bien. Naam. La fois passée, quand j'ai fait le dars des monstrues, ensuite, j'ai parlé d'une chose. D'abord, vous me donnez une seconde, je vais ramener cette chose, je vais ramener cette fatwa ici de Cheikh Al-Othaymin. السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت؟ نعم. نعم. بون لا فتوى اللي دون ici sur l'internet يعني سي با هو اللي exactement parce que الشيخ بن عثيمين il a واحد un petit livre où il répond 60 questions sur les monstrues. Ça s'appelle 60 questions sur les monstrues. Hier, la fatwa était avec moi. Maintenant, je ne l'ai pas avec moi. La prochaine fois, Inch'Allah, je la ramènerai. Moi-même, ce que je veux dire, surtout pour ceux et celles qui étaient avec moi le cours passé, Cheikh Ibn Uthaymin, moi, quand j'ai lu une de ces fatwas, je l'ai mal interprété. C'était une femme qui lui avait demandé, Inch'Allah, la prochaine fois, je vous la ramène. Je vais chercher un peu longuement. Elle lui a dit que le 8e mois ou le 7e mois, yani j'étais enceinte, ensuite yani j'ai eu un peu de sang, etc. Elle lui a dit j'ai fait une césarienne pour sortir le bébé. J'ai sorti, je crois, la 7 mois ou la 8 mois. Elle lui a dit, est-ce que ensuite un peu de sang est sorti, yani lorsque après la césarienne, un peu de sang est sorti, est-ce que je rattrape, c'était au Ramadan, est-ce que je rattrape le jour hada ou le sang hada il a annulé le Ramadan, où il a annulé yani, le jeûne, ou là il n'a pas annulé, etc. Est-ce que je peux faire la prière avec ce sang, ou là je peux pas? Il a dit ce sang, yani, c'est une veine saignante. Yani, il a dit c'est ou bien istihada ou bien dam fasad. Il a dit ce n'est pas les monstrues. Il a dit ce sang n'est pas les monstrues et ce n'est pas les logis. Parce que quand on lui a fait une césarienne, il y a eu un peu de sang qui a coulé. Il lui a dit ce n'est ni les monstrues, ni ce n'est yani, les logis. Alors moi j'ai cru comprendre donc que c'est pas la peine yani, qu'elle fasse le. Elle n'a pas de logis, elle n'a pas ce qu'on appelle yani, la période de. Comment ça s'appelle? Elle est à 20 jours, 30 jours et ça, maximum 40 jours. Ce qu'on appelle en arabe nifes. Moi j'ai cru comprendre que c'était pas, donc elle n'avait pas de nifes. C'est pour ça que hier quand j'ai dit qu'une femme, si elle fait une césarienne, c'est-à-dire que le sang après qui va couler après la césarienne, qu'elle pouvait se laver et commencer à faire la prière. Donc là c'est moi qui ai mal interprété. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit le sang qui a coulé à l'instant hadak, c'était pas des logis, mais il n'a pas dit que elle ne va pas rester 20 ou 30 jours ça. Elle doit rester. Maintenant je me corrige, je dis si après avoir fait la césarienne, après elle a du sang qui coule, comme toutes les femmes qui accouchent après l'accouchement, celle-là elle doit rester jusqu'au jour où elle doit être pure. Et c'est comme les règles, quand elle saura qu'elle est pure, elle commence à se laver, elle fait la prière. Mais elle ne doit pas dépasser les 40 jours. Donc il y a une différence entre le sang qui est sorti à l'instant où on a fait la césarienne et l'autre sang qui va sortir après. Il va sortir après, et elle sera en état d'accouchement normal. Ça veut dire donc, ce que j'ai dit hier, je le retire. Et je demande à quiconque, yani, connaît quelqu'un qui était assis devant lui ou là, mais il n'est maintenant plus devant lui, de le lui dire. Yani, de lui dire que j'ai retiré ce que j'ai dit hier et qu'elle doit rester nifes. C'est-à-dire, elle doit rester 6 jours après l'accouchement jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, bi'idhillahi subhanahu wa ta'ala. Et je demande même à ceux et à celles qui m'ont enregistré de réagir si c'est possible dans la cassette, ou bien d'effacer ce que j'ai dit, car je l'ai dit deux fois. Je l'ai dit une fois dans le dars, une fois en même question. Je l'ai dit deux fois. Donc ou bien il efface ce que j'ai dit, ou bien il s'enregistre lui-même, il dit ce qu'a dit le chef, etc. Il a retiré ce qu'il a dit en ce qui concerne la césarienne, Inch'Allah ta'ala. Donc moi, Inch'Allah ta'ala, devant Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah wa atubu ilayh, j'ai mal interprété devant Allah subhanahu wa ta'ala, moi qui m'écoute, yani, je m'en désengage. Maintenant, celui qui a une cassette, ou s'il dit cela, s'il la donne à d'autres pour l'écouter, c'est lui qui va faire tromper les gens, c'est pas moi. Moi, je me suis désengagé, et j'ai dit que, voilà, c'est moi qui avais mal compris. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Oum Hafsa, tafadlali, barakallahu fik. Si c'est terminé, tu écris 1. Où est-ce que c'est terminé, tu écris 1. Naam. Avant de répondre, Inch'Allah ta'ala, Ibrahim 13, regarde. Inch'Allah ta'ala, tariqa. Quand quelqu'un pose une question, je lui réponds. Ensuite, quand je lui réponds, tu lui donnes encore 30 secondes, une minute avant de le faire descendre. Pourquoi? Des fois il a envie de dire barakallahu fik, comme la jazakallahu khair, là tu lui donnes la minute. S'il dit saha, s'il dit pas, comme je t'ai dit, tu le fais descendre en bas pour que je sache yani ceux qui sont يعني à qui c'est le tour inshallah ta'ala. نعم حفصة je te dirai بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين plus tu fais de nafila plus on fait de nafila et la nafila c'est pas seulement les prières bien sûr la nafila c'est l'aumône la nafila c'est pas seulement la prière mais en général plus on fait de nafila plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus on devient des gens qui ne font pas de faute, plus on s'éloigne des péchés. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith sahih, dans le Bukhari et les autres, hadith Qudusi, il a dit, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ il a dit, s'il fait beaucoup de nawafil, je l'aimerai. Si je l'aimerai, si je l'aimais, si je commence à l'aimer, il a dit, فَبِي يُبْصِرْ وَبِي يَمْشِي بِي يُبْصِرْ وَبِي يَمْشِي وَبِي يَبْطِشْ il a dit, donc, c'est moi qui vais le guider pour qu'il marche, pour qu'il voit, pour qu'il prenne avec ses mains. Et si Allah Azza wa Jalla guide quelqu'un quand il marche, quand il voit, quand il parle, etc., ça veut dire qu'il va s'éloigner des péchés. Inch'Allah ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Naam. Inch'Allah. Barakallahu fikoum, Hafsa. Ubay, tafadhal. Ubay Abu Adnan Salafi a dit, pouvez-vous nous citer des exemples pour lesquels les musulmans le musulman n'est pas excusé son ignorance? Parce qu'une personne qui dit que Mohammed n'est pas le messager d'Allah par ignorance, il s'est excusé, en sachant que c'est les bases du din, ça fait partie de la shahada. Est-ce que Abu Ubay, tu parles d'un musulman ou là tu parles d'un kafir ou là tu parles en général? Je pose une question. Tu parles du musulman qui ne sait pas cela ou là tu parles d'un kafir ou là tu parles en général? Muslim. Naam. Non. Un musulman qui dit que Mohammed n'est pas le messager d'Allah ne peut pas être musulman. Obéi. Quelqu'un qui dit que je ne sais pas si Mohammed est le messager d'Allah, comment serait-il musulman? Il est impossible qu'il soit musulman. Naam. Je dis, il est possible que le jour du jugement dernier, dise, je n'ai pas connu l'islam, là je ne savais pas, etc. Si par exemple, il vit en Amazonie, avec les cannibales. Quelqu'un, il vit avec les cannibales, là-bas, il mange les singes et les crocodiles. Celui-là, il ne sait pas qu'il y avait l'islam, etc. Celui-là, Inch'Allah Ta'ala, il aura l'épreuve le jour du jugement dernier. Il aura une épreuve. Parce qu'un frère sur Partok a dit ça. C'est étonnant. C'est étonnant. Je voudrais savoir ce qu'il a dit exactement. C'est étonnant. Je voudrais d'abord l'entendre ou là, nous ramener ce qu'il a dit exactement, car c'est vraiment étonnant qu'il dit cela. Quant à l'intercession pour son oncle qui est mort mécréant, pour qu'il rentre au paradis, ce n'est pas vrai. Ça, il n'y a pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fera l'intercession, shafa'a, pour son oncle, Abu Talib, pour lui faire diminuer le supplice de Jahannam, et non pas pour le faire rentrer au paradis. Il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il diminue de son supplice Jahannam, et Allah azza wa jalla lui exaucera son vœu, et il mettra son oncle dans des souliers, il lui mettra des souliers de Jahannam jusqu'au point où sa cervelle, sa moelle va bouillir. Mais le rentrer au paradis, c'est impossible qu'un kafir rentre au paradis, fût-il l'oncle ou bien le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sa mère. Wallahu ta'ala alam. Faddal Moumin 84. Moumen a dit salam alaikum salam rahmatullah wa barakatuh. Si une femme a des poils sur le visage, excepté l'épilation des sourcils, peut-être s'épiler le visage, les joues jusqu'au bas du corps, etc. Je sais que si une femme, elle a quelque chose, des poils par exemple, qui sont nombreux au point où c'est devenu un aïb, un aïb, c'est devenu un défaut, si je puis dire. Point, c'est devenu un défaut. Comme par exemple, je donne un exemple, par exemple, une femme qui a la barbe, une femme qui a la barbe, celle-là, comme a dit Nawawi, et beaucoup d'ulama ont dit, elle peut l'enlever parce que la femme n'a pas de barbe en général. Donc pour elle, c'est un défaut. Pour elle, c'est un défaut. Mais quand c'est une petite chose, yani une petite chose, yani, Allah subhanahu wa ta'ala alam, yani si elle la laisse, si elle la laisse, c'est mieux, mais si elle l'enlève, inshallah ta'ala, c'est pas très grave. Mais ce qui est très grave, c'est les sourcils à douleur, yani, le hajiban, les sourcils. Non, ça, qui est très grave. Pour les autres, si c'est quelque chose qui n'est pas très visible, de préférence, qu'elle laisse. Mais si c'est quelque chose, yani, est devenu comme une barbe, elle peut l'enlever. Pourquoi? Parce qu'en elle, c'est un défaut. La femme n'a pas de barbe en général. Donc c'est pour elle un défaut. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Et pour les hommes sur les joues. Et en principe, l'homme aussi ne touche pas. L'homme, c'est la faute quand il est jeune, il a commencé à se raser les joues, etc. Ensuite, il a des cheveux. En principe, yani, il ne touche pas. En principe, il ne touche pas. Yani, c'est mieux, inshallah ta'ala, parce que l'homme en général, il a beaucoup de poils sur son visage. L'homme a beaucoup de poils sur son visage, il ne les touche pas, inshallah ta'ala, et plus il touche, plus ça grandit. Plus il touche, plus ça grandit. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Ibn Kathir, tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bismillah, j'ai une première question, Akhi al-Karim, barakallahu fik. C'est de la part d'un frère qui m'a posé la question, mais qui a peur que cette question elle lui colle à son pseudo. Donc, il m'a demandé de vous la poser, barakallahu fik, khair inshallah. Donc, c'est une personne qui a des gaz à tel point qu'elle n'arrive plus à se retenir, c'est-à-dire même pendant la prière. Comment doit-elle faire? Est-ce que c'est pour le même cas que pour l'urine? Parce que moi, je vais donner la réponse pour l'urine. Mais wallahu alam, je ne sais pas si on peut faire le même rapprochement qu'avec le gaz. C'est-à-dire, est-ce que quand elle a des gaz, elle doit faire le dos juste avant la prière? Et si elle lâche un gaz pendant la prière, Allah alam, puisque... Donc voilà. C'est ça ma première question. C'était pour le frère, bismillah. Donc, comment fait-il s'il a des gaz, même pendant les prières, il n'arrive vraiment pas à se retenir et ça sort tout seul? À tel point qu'on pourrait dire presque c'est une maladie. Voilà, c'est quoi ma première question. Barakallahu fik. Ma deuxième question, alors, à qui doit-on donner de l'argent, des intérêts? Si une personne, elle a dans son compte un compte épargne, et il y a des intérêts, et qu'elle enlève ses intérêts de son compte, donc elle fait ses calculs, ces intérêts-là, qu'est-ce que la personne doit en faire? Est-ce qu'elle les jette, ou est-ce qu'elle peut faire un don pour une personne? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut les donner à un pauvre ou pas? Voilà ma deuxième question, barakallahu fik. Ma troisième question est celle-ci. Est-il permis dans la religion à un frère de faire de la sous-location à un autre frère? C'est-à-dire, la sous-location, c'est-à-dire, toi, demain, exemple, une personne, elle a un appartement, elle achète un appartement, et l'appartement qu'elle était en train de louer, au lieu de le rendre au propriétaire, eh ben, elle fait louer quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est permis, sachant qu'il y a des gros problèmes de logement pour les frères en France, et c'est très difficile? C'est ça ma troisième question. Et concernant la question qu'a posé le frère tout à l'heure, Abou Adnan, c'était moi qui étais concerné dans quand il a dit un frère sur Paltok qui a dit ça. Donc moi, Bidnila, je vais mettre un peu les choses au clair. Je vais dire exactement quel est le lien que j'ai fait. Je vais donner un exemple, puisqu'une fois sur Paris, j'ai rencontré un frère, c'était Wallahu alam, donc maintenant, si on va dire c'est un frère ou pas, mais c'est un Français converti. C'était un Français converti, il venait de rentrer dans le din, Il venait juste, et il était tout nouveau dans la religion. Et il faisait la prière. Et donc j'ai discuté avec lui, il m'a dit, moi la, je lui ai donné un hadith comme quoi il fallait suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit, moi la sunna il a négligé la sunna, il m'a parlé d'une il m'a dit une parole qui fait que il reconnaît pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachant que cette personne, elle a une science de jahel, elle vient juste rentrer dans la religion, elle ignore, et vraiment elle était ignorante à tel point qu'elle rentrait dans l'ignorance complexe, la double ignorance, vraiment elle ignorait, vraiment très ignorante. Et c'était une personne qui se disait musulmane. Et donc après, le frère m'a amené des dalils. J'ai dit, wallahu a'lam. Il m'a mis, j'étais pas sûr. J'ai dit, est-ce que de cette personne, on peut dire que c'est un kufr? C'est parti de là. Après, j'ai dit, on va revenir au savant, inshallah. Donc après, moi, je pensais qu'on peut pas le kafir. Parce que je sais que pour kafir quelqu'un, c'est très, très, très, très. C'est pas n'importe qui peut kafir comme ça quelqu'un. Lui se disait musulman, donc est-ce qu'il rentrait dans l'islam ou pas, moi je savais pas, bref, khair inshallah. Donc voilà, donc bismillah pour mes trois premières questions, et s'il y a une petite intervention pour la dernière, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, fais saut hawla wa la quwwata illa billah. Ibrahim, fais saut. Non, je demande à mes frères et mes sœurs de ne pas poser plus de deux questions. Je demande à mes frères et mes sœurs, pour y aller respecter les autres, de poser seulement deux questions. Non, mon frère a posé trois questions. D'ailleurs, quand on pose trois, quatre questions, quand on pose trois, quatre questions, je ne peux pas me rappeler des quatre questions. C'est pour ça que je vais répondre des choses que je me rappelle. Quant aux Français, ou là je ne sais pas qui s'est converti en islam et il n'a pas reconnu la sunna, ou là il est excusé. Non, pourquoi? Parce qu'il est nouveau. Quelqu'un qui est nouveau, il est excusé jusqu'au temps où il apprenne, et il n'est pas obligé d'apprendre de toi. Il n'est pas obligé d'apprendre de toi ou là de moi. Hein, je lui parle, il me dit qui tu es toi. Hein, je te reconnais pas. Il faut que celui qui lui dise soit quelqu'un de reconnu pour lui. Il faut que ça soit quelqu'un qui, pour lui en son cœur, il dit celui-là c'est un adam, il connaît l'islam. Mais moi, toi, X, il dit cela, il ne connaît rien en islam. Donc je ne vais pas les suivre. Donc il est excusé jusqu'à ce que taqum alayhi al-hujja. Deuxièmement, en islam, quand on loue à quelqu'un, en islam, quand on loue un appartement ou là à quelqu'un, il peut le louer. Il peut le louer sans la permission du premier. En islam, il est permis de louer la chose qu'on nous loue, parce que intifa'una bil-lahr, intifa' يعني يملك المنافع وليس المنفعة, يملك منافع وليس العين. Donc on peut louer en islam une chose qu'on nous a louée. Troisièmement, maintenant je commence à oublier les deux autres questions. Quand c'est beaucoup de questions, rappelle-moi les deux autres questions. Rappelle-moi les autres questions, je les ai oubliées. Les intérêts, naam. En ce qui concerne les intérêts, quand quelqu'un a de l'argent dans l'épargne ou là, vous devez savoir que c'est, premièrement, c'est un grand péché, hein. C'est un grand péché. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله عز وجل si vous ne vous arrêtiez pas de faire aller la riba, il va y avoir la guerre entre moi et vous, entre moi et vous. Et quand Allah Azza wa Jalla fait la guerre à quelqu'un, c'est très grave, bien sûr. Maintenant, quand il, par exemple, on lui a donné les intérêts, il peut la donner, ses intérêts, il peut les donner aux pauvres. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, al-Rahmatullah, et beaucoup de ulama. Beaucoup de ulama auparavant disaient qu'il ne faut pas la donner aux pauvres. On la donne seulement, on construit des écoles, des ponts, etc., des hôpitaux. Maintenant, ils disent vous pouvez la donner aux pauvres, mais à condition de n'avoir aucun, bien sûr, tu n'auras aucun ajr. Tu n'auras aucun ajr, parce que tu la donnes pour t'en débarrasser et non pas pour avoir le ajr. Parce que c'est quelque chose de ism. Donc on peut la donner aux pauvres, inshallah ou ta'ala. L'autre question, je l'ai oublié. L'autre question, je l'ai oublié. Il y a une autre question, je l'ai oublié. Et qui là, le temps que je donne la parole à Mohamed 93000. Je t'ai enlevé le point rouge, très bien. Naam, naam, quelqu'un qui a des gaz, ça. Naam, quelqu'un qui a des gaz. C'est comme tu as dit, c'est comme tu as dit pour l'urine. Quelqu'un qui a beaucoup de gaz et qui, toutes les minutes ou là, toutes les trois minutes ou là, il y a des gaz qui sortent de lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit faire les ablutions qu'à la dernière minute. Il attend la dernière minute où il a dit je vais faire la prière. Et quand, avant de rentrer dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire les petites ablutions. Ensuite, il dit Allahu Akbar. Maintenant, quand il dit Allahu Akbar, même s'il dit Allahu Akbar et les gaz sont en train de sortir sans s'arrêter, sa prière est juste et valable et il ne la rattrape pas, il ne la recommence pas. Il termine avec quoi? Il l'a fait avec les gaz. Ça ne fait rien, elle est acceptée par Allah Azza wa Jal. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mais à une condition. Quelle est la condition? Plutôt à deux conditions. Il faut que qu'il soit du genre, il a beaucoup de gaz, ces gaz yani, reviennent très souvent, ne se coupent presque pas. Et deuxièmement, il a laissé à la dernière minute pour faire les ablutions. Naam, il ne fait pas les ablutions une demi-heure avant, non. Il fait à la dernière minute et il dit Allahu Akbar, il rentre dans la salat. Par exemple, il fait dans la mosquée les ablutions et il rentre dans les rangs. Il rentre dans les rangs, classe. Même s'il y a des choses qui sortent, ça ne le gêne pas. Et sa salat est vraie et acceptée, inshallah ta'ala. Mohamed 93, tfadda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais poser deux questions en fait. La première question c'est est-ce que je peux parler à une sœur au téléphone, une sœur qui m'est étrangère, mais à savoir que tout en restant correct, juste pour fixer une muqabala, c'est-à-dire pas rester un temps indéfini avec elle au téléphone à nous raconter plein de choses, c'est uniquement pour voilà, est-ce que tel jour tu serais d'accord pour faire un muqabala, et voilà. Et il y a cette première question, et la deuxième question, si c'est une sœur en fait qui a pas de mahram ici en France, elle a uniquement sa mère, et en fait, est-ce que j'ai entendu un avis comme quoi elle peut désigner un wali, c'est-à-dire un imam de son quartier, de quelqu'un de pieux, Allahu a'lam. Donc je voulais avoir des éclaircissements sur ces deux sujets. Barakallahu fik. Non, c'est pas une convertie, c'est une Algérienne. C'est une Algérienne et voilà. Donc elle est uniquement ici avec sa mère ici en France. Et voilà, donc elle a pas de mahram, elle a pas d'oncle, elle a uniquement sa mère ici en France. Barakallahu fik. Fika barakallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme, c'est sûr, son mahram se trouve en Algérie. En Algérie, elle doit avoir un frère, elle doit avoir un oncle, elle doit avoir un grand-père, c'est sûr. Donc c'est celui-là que tu dois contacter toi, pour... Il n'y a pas de son, Brahim, il y a le son ou il n'y a pas de son? On m'écrit ici numéro 2. 1. Non, c'est celui-là qu'elle doit contacter elle va lui dire à son frère, etc. Elle lui dit, il y a quelqu'un qui veut, etc., me demander, etc. Et elle va lui dire que tu vas lui parler. Ensuite, toi, tu parles avec celui-là et pas avec elle. Tu lui expliques, tu lui dis, donne-moi le numéro du mahram que tu as en Algérie. Ensuite, ce mahram, s'il n'est pas là, etc., il peut faire week-end. Il peut faire venir quelqu'un ici en France. Il lui dit, je te donne le week-end. Je te donne, je sais pas comment on dit le week-end en français, pour que tu fasses, par exemple, le mariage à ma place, etc. C'est pas la peine qu'il vienne de là-bas jusqu'ici. Lui, il dit, par exemple, X celui-là, ou là, la femme, elle dit, lui ramène quelqu'un. Elle dit, celui-là, mets-le comme wakil à ma place, procuration, barakallahu fik. Voilà, tu fais X comme procuration, ensuite toi, tu parles toujours avec la personne à laquelle le mahram a donné la procuration. C'est comme ça, jusqu'à ce que tu fasses la muqabala, et même cette personne peut te marier par procuration, en absence de son mahram qui est en Algérie. Mais pour parler avec une femme comme ça au téléphone et yani dire on va faire la muqabala tel jour, est-ce que ça te convient, ça te convient pas, ce n'est pas possible. Il faut que ça soit avec le mahram que se passent toutes ces choses, surtout pour que le mariage inshallah ta'ala soit yani c'est baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence par le halal inshallah ta'ala, il sera tout le temps halal. Allah azza wa jal, quand il descend sa baraka, il ne commence pas par le haram. Inch'Allah, toutes les choses vont marcher, il ne va pas y avoir de problème, etc. Wallahu subhanahu azza wa jal, ta'alam. Je dirais même plus que ça, Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, a dit, quand tu vas faire la muqabala, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, je ne prends pas moi de son avis ici, mais c'est un grand alam. Il a dit, quand tu vas faire la muqabala, il est interdit que tu parles à la femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit, quand tu fais la muqabala, tu parles pas à la femme. Il a dit, parce que le hadith a dit, tu regardes. Il a dit, le hadith, tu regardes la femme. Yom d'or, il est là. Le hadith n'a pas dit, il parle à la femme. Entre parenthèses, moi je prends pas, tu lui parles, mais même tu fais la muqabala et c'est terminé, on t'a donné la fille, on t'a dit ça y est, on a naam cherche mon père, naam, même maintenant la muqabala est terminée et on te dit khlas, la fille elle est pour toi, et ici tu ne lui parles pas au téléphone aussi, tu ne parles pas, pourquoi? Elle est seulement pour toi, c'est une promesse, mais il se peut que demain elle change d'avis ou toi tu changes d'avis. Tu peux parler avec elle quand tu rentres la nuit, où tu rentres la nuit nuptiale, là tu commences à parler avec elle. Sinon tu parles toujours avec l'intermédiaire. Naam, c'est comme ça la vraie sunnah inshallah ta'ala. Ou bien tu parles devant son père, devant sa mère, etc. C'est pas yani comme ça par téléphone, tout le temps par téléphone. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl Sir Dav, tfadl. J'ai pas compris, Anna, comment. C'est à qui le tour? J'ai pas compris maintenant. C'est à qui le tour? Il faut pas celui qui a le tour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir, concernant le Hajj, est-ce que le Hajj d'une femme qui part sur son mahram est-il validé? Elle part en groupe. Est-il vrai qu'un péché effectué vaut 100 fois plus au retour de Hajj, ou c'est juste des rajouts? Naam, en ce qui concerne la femme, qui n'a pas de mahram, le hajj n'est pas obligatoire pour elle. Quand elle reste chez elle, elle ne va pas au hajj, elle reste chez elle. Quand elle va mourir, Allah Azza wa Jal ne lui dira pas pourquoi tu n'es pas parti au hajj. Pire encore, mieux encore, il lui donnera des hasanats comme si elle était partie, si vraiment elle avait envie, mais elle n'a pas trouvé le mahram. Allah Azza wa Jal lui donnera, comme dans le hadith du Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes sortis de la Médina pour faire le djihad, etc. Il y a des gens qui sont à la Médina restés, mais ils sont avec nous, ça veut dire qu'ils ont le même ajr. Pourquoi? Habisahum al-udr. Ça veut dire qu'ils ont voulu, mais ils n'ont pas pu. La ghalb. Ils n'ont pas de chameau, ils n'ont pas de chevaux, ils n'ont pas d'argent, etc. Ils n'ont pas de fusil, etc. Les sabres. C'est la même chose ici. Elle veut, mais il n'y a pas le mahram. Et le mahram, c'est une condition nécessaire. Donc, elle a le hajr, et c'est pas la peine qu'elle aille. Elle ne peut pas aller avec les gens comme ça, et avec les voisins, etc. Elle ne peut pas y aller. Elle reste à la maison, et elle a le hajr, et elle n'a pas fait de péché, inshallah ta'ala. Quant à la fin de ce que tu as dit, est-ce que quelqu'un qui revient du hajj, qui fait une erreur, ça compte 100 fois? Ça, ce n'est pas vrai. C'est seulement des dires comme ça. Il n'y a aucun hadith, aucun verset qui dit que quelqu'un qui revient du hajj, qu'il a 100 000 fois, ou la 10 fois, ou la 100 fois plus de péché. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Le suivant, inshallah. Abu Yes, il a dit, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Ya Sheikh Uhibuka Fillah, Ahabba Kalladi Ahbab Talifi. Nous sommes un groupe de frères, j'ai lu et souvent entendu des savants, Salafi Rahimahumullah. Pour ceux qui ne sont plus de ce monde, Allahum et Hafidahumullah, pour les vivants, énumérer les mérites à connaître son Seigneur en ce qui concerne la Aqidah Sahiha. Nous savons tous que Allah Azzawajal fait Sama. Pourriez-vous, Fadil Tchir, nous expliquer cela de manière plus facile à comprendre pour nous, francophones et débutants? Nous savons aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, Istawa ala l'Arsh. Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que ça veut dire Istawa en langue française, car il n'est pas aidé de traduire ce mot de langue arabe en langue française. D'où n'importe quoi. Naam. Akhi Abu Ilyas, tout ce que tu dis, je l'ai dit plusieurs fois en expliquant la Aqida. Et ça viendra, comme chaque samedi, dans les cours de Aqida, Aqida Sharh al-Wasitiya, ça viendra avec beaucoup de détails. Moi, j'ai expliqué cette chose avec beaucoup de détails, yani au moment opportun, lorsque je parlais de Aqida. Mais maintenant, je vais t'expliquer comme ça, mais très vite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, je dirais, Mahmoud Rahim, Moussalam, Al-Ashraf, Moussalim, je dirais, le vrai musulman, c'est celui qui atteste et qui a une aqida comme avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sa aqida sallallahu alayhi wa sallam, et la aqida du Coran, c'est quoi? C'est que Allah azza wa jal, fissama. Abu Ilyas, quand je parle, tu écris, je peux pas faire le dars et suivre ce que tu dis. Je disais que Allah Azza wa Jal, Sunna ou Jama'a, les gens du consensus, Sunna ou Jama'a, et de la Jama'a, Sunna ou Jama'a, les gens du consensus et de la Sunna, disent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, au-dessus des cieux. Ils disent pas, comme disent les soufis et les autres, Allah Azza wa Jal est partout. Quand tu dis Allah est partout, tu as fait une grave faute. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Thumma stawa ala al-arsh. Stawa. Il a dit, A'amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ard. Il a dit, man fis sama. Il a dit, tanzilun. Il a dit, yunazzilu. Il a dit, ta'arujo ilayhi al-malaika. Donc, il y a des descentes, il y a des montées. Donc, Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, au-dessus de l'arche, au-dessus de son... Il n'est pas partout, comme disent les égarés. Ils disent, il est partout. Il est, astaghfirullah, dans les toilettes, il est dans le ventre de l'âme, il est dans le ventre du chien, il est partout. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de hadiths là dans cela, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'a demandé à la bergère, il lui a dit, où est Allah? Elle a dit, sur le ciel, au-dessus des cieux, au-dessus du ciel, dans le ciel, c'est la même chose. Et qui suis-je? Elle lui a dit, tu es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est une croyante. Donc, il a attesté à cette bergère qu'elle était croyante et musulmane lorsqu'elle a su que Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus des cieux sur son trône. C'est pour ça que Moussa alayhi salam, quand il a dit à Pharaon, il lui a dit Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. Qu'a dit Pharaon? Il a dit Haman, construis-moi une tour, je vais monter haut pour voir si c'est vrai. Je dis que Moussa c'est un menteur. Les ulama ont dit, c'est la preuve que Moussa alayhi salam a dit à Pharaon que Allah était au-dessus des cieux. C'est pour ça qu'il a demandé à Haman de lui construire une tour pour monter. Donc Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. C'est pour ça que les ulama disent, quiconque dit que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, il a une aqida muhammadiyya de Muhammad. Et celui qui dit qu'il n'est pas au-dessus des cieux, il a une aqida fir'auniyya. Il a la aqida de Fir'aun. Et ça viendra avec beaucoup, beaucoup de détails en ce moment, inshallah ta'ala, les cours du samedi, dans la aqida wasitiyya, inshallah ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'on ne posait pas beaucoup de questions. Celui-là, il a posé 4 ou 5 questions. C'est beaucoup, Inch'Allah Ta'ala. Il faut que je donne la parole aux autres aussi. La science religieuse, le rein, mais qui veut avoir un bon comportement. Bien sûr, on ne peut pas avoir un bon comportement, yani, ne peut pas, plus on a du ilm, plus notre comportement yani, devient meilleur. Plus on a du ilm, plus notre comportement devient meilleur. Il peut être inné, la base peut être innée, ensuite, inshallah ta'ala, yani, ça s'améliore avec le ilm bi'idhnillahi ta'ala. Au suivant, inshallah ta'ala, Abou Elias, tu as posé beaucoup de questions, barakallahu fik. Inshallah, il y a beaucoup de mains qui ont levé, qui sont levées. Inshallah, je te répondrai la prochaine fois. Au suivant, inshallah ta'ala, Ibrahim, tfadal. Naam, je dirais aux parents nationalistes de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car il est interdit de voir la nationalité quand on veut marier. Donc, si quelqu'un, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Quand quelqu'un vient et qu'il a les chourotes, il a les conditions, on le marie sans dire pourquoi il est français, pourquoi il est algérien, pourquoi il est marocain, pourquoi il est tunisien. On le marie s'il a les chourotes. Maintenant, s'il y a deux personnes qui ont les mêmes conditions et l'un est de notre pays et l'autre n'est pas de notre pays, si on le marie de notre pays, peut-être c'est bien, peut-être c'est mieux, mais c'est pas au détriment de l'autre qui est mieux que lui dans le din. Mohamed a dit عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'ai du mal à utiliser le livre Sahih Jami'. Quand d'habitude dans les livres Sunnah, les hadiths sont classés par sujet. Naam. Tandis que ce livre, ils sont classés par ordre alphabétique. Naam. Quelle est votre nasiha pour la méthodologie dans l'utilisation de ce livre? Si il existe un cherf, ce livre, barakallahu fikum. Naam. Ce livre, yani, il n'est pas classé par chapitre. Il est classé par ordre alphabétique. Donc, l'un des mérites de ce livre, c'est que quand il est classé par ordre alphabétique, c'est très facile de trouver le hadith. Si tu connais son début, il commence par B, tu vas à B, il commence par T, tu vas à T. Donc là, c'est l'un des mérites de ce livre, yani, c'est d'être classé par ordre alphabétique. C'est un livre de hadith, c'est pas un livre de fiqh. Si tu as une mas'ala dans le fiqh, ou là, les ablutions, ou là, les monstres, ou là, tu peux pas la trouver dans ce livre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas classé par chapitre. Et il n'a pas été classé par chapitre parce que c'est un livre de hadith. C'est pour ça qu'il a été classé directement comme ça pour faciliter la tâche à ceux qui connaissent le début du hadith. Donc, Naam, ce livre a un charh. Son charh s'appelle Fayd al-Qadir. Fayd al-Qadir. Du alam qui s'appelle Munawi, il a un charh qui s'appelle Fayd al-Qadir. Le livre d'un grand alam qui s'appelle Munawi. Naam. Wallahu subhanahu wa azza wa jil a'lam. Le suivant, inshallah ta'ala. مساكين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. J'ai deux questions, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, bientôt je répondrai à vos questions qui se trouvent dans mon courrier. Dans le courrier, j'ai eu beaucoup de questions. Et à chaque fois, je réponds à certains et certaines. Dans le hotmail, inshallah ta'ala. Vous avez parlé lors d'explication de six choses que si on les assure, le prophète Hassan nous assure le paradis de la femme dans la guerre, après ce que j'ai compris que l'homme a droit d'aller avec une femme en période de guerre, même s'il est déjà marié. Pourriez-vous détailler ce que je ne connaissais pas? Vous avez dit que l'on a une grande responsabilité lorsque l'on sort dehors, c'est qu'en Europe. Maintenant, les chiffres en France, surtout les sœurs, je parle pour moi et d'autres sœurs, on se fait souvent insulter ou agresser verbalement. Et les gens nous manquent beaucoup de respect. Au début, on patiente, mais ça fait beaucoup de fois, on a envie de répondre. Et comment doit-on réagir face à ce manque de savoir vivre de leur part? Naam. La première question, franchement, je ne l'ai pas comprise. vous avez parlé lors de l'explication des six choses que si on les assure, le prophète nous assure le paradis. Le paradis de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire le paradis de la femme? J'ai pas compris ça. Le paradis de la femme. Ensuite, la femme qui part en guerre avec l'homme. Je l'ai pas dit. Où est-ce que j'ai dit cela? Je me souviens pas. L'homme a le droit d'aller avec une femme en période de guerre, même s'il est déjà marié. J'ai pas compris, Hadil. Si tu peux, Inch'Allah Ta'ala, reformuler la phrase. Reformuler, Inch'Allah Ta'ala, la phrase. Le temps que je réponde, le temps que je réponde à la deuxième question, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais la première, yani, elle est un peu difficile, Hadil. Tu peux, Inch'Allah Ta'ala, reformuler. En France, on est souvent insulté, agressé verbalement, etc. Naam, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, et le din nous a demandé de faire la hijra. Quand on fait la hijra, on est entre les musulmans, on n'est pas insulté. On n'est pas insulté, on se sent yani, fier, on se sent yani, plein de iman, etc. Alhamdulillah. Donc, quand on vous insulte, etc., etc., yani, celui qui veut patienter en la cause d'Allah, il a un ajr. Et celui qui veut répondre, le répondre, il peut répondre. S'il sait que ça va pas lui poser plus de problèmes. S'il sait que, s'il répond, ça va pas lui poser beaucoup plus de problèmes, ça va pas lui attirer beaucoup plus de mechakil et de soucis. Yani, qu'il réponde. Il peut répondre, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit de répondre à quelqu'un qui t'insulte ou la quitte. Mais si tu veux patienter et faire comme si tu n'avais pas entendu, peut-être c'est mieux. Peut-être c'est mieux. Yani, pour ne pas s'attirer beaucoup plus de problèmes, etc. Mais, yani, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous aide pour que vous soyez dans des pays musulmans, où, inshallah ta'ala, vous sentez, yani, l'halawa ta'ala iman, vous sentez, yani, l'orgueil, la fierté qu'on a dans le cœur. Maintenant, vous avez dit, en fait vous avez dit que l'homme en temps de guerre, l'homme peut aller avec une femme. Je voulais juste situer dans le contexte, vous l'avez dit. Notre mari interdit, on doit lui obéir. En temps de guerre, l'homme peut aller avec une femme. C'est pas ce que j'ai dit ou bien c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais je vais te répondre à ta question. En temps de guerre, la femme, vous savez, la femme en islam n'a pas de djihad. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son djihad c'est le hajj al-mabrour. Mais des fois la femme, elle est obligée d'aller au djihad. Elle est obligée. Par exemple, quand l'ennemi rentre dans le pays et que les hommes ne suffisent plus, la femme doit yani, rentrer dans le djihad avec les hommes. Pourquoi? Si les hommes, leur nombre ne suffit plus. Ça devient alors un fard pour la femme aussi. Ça devient ici. C'était fard kifaya, c'est devenu fard ayn. Et puis, la femme, c'est pas toujours le djihad, c'est pas toujours tuer. Elle peut faire comme faisaient les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle sortait au djihad pour soigner les hommes et les blessés, etc. Ça aussi, c'est du djihad. Même si notre mari nous l'interdit, même si le mari l'interdit, c'est elle peut ne pas lui obéir quand c'est devenu obligatoire pour elle. Quand c'est devenu obligatoire le djihad pour une femme et l'ennemi est rentré et khlas, il y a pas le nombre d'hommes ne suffit pas, c'est devenu obligatoire pour la femme et c'est pas la peine de demander la permission à son mari dans ce cas, parce que pourquoi c'est devenu obligatoire? Quand je dis que l'homme peut aller avec une femme, c'est avoir des rapports, c'est ça ce que je voulais dire. J'ai pas compris. Quand je dis que l'on peut aller, c'est avoir des rapports. J'ai dit que, c'est inchallah, c'est pas grave. Om Sakina, j'ai dit que, en islam, quand les musulmans, par exemple, ils font la guerre à un pays, en supposant un pays X, ensuite, ils sont rentrés dans ce pays, etc., les autres, yani, non, c'est pas ça. Donc, je vois pas ce que c'est. Elle parle d'esclaves de guerre. Et voilà ce que je veux dire. Voilà ce que je veux lui dire. Je veux lui dire que, oui, c'est Sam Abdullah. C'est sans sakina. Je veux dire que en islam, quand ils font le djihad avec un autre pays, et par exemple les autres classes qui sont battus, etc., les kuffars, les musulmans prennent hadou les kuffars, ils prennent les hommes, soit ils les mettent en prison, soit ils les tuent, soit ils les lâchent, ils peuvent c'est le gouverneur qui choisit entre quatre choses. Et les femmes des kuffars, etc., elles deviennent propriétaires des hommes musulmans. Et c'est le gouverneur aussi qui divise. Il donne à celui deux femmes, à celle-là une femme, etc. Il divise. Avec cette femme, le musulman peut faire le rapport avec elle. Et ça s'appelle Moukli Yamin. Ça s'appelle Moukli Yamin. Et ça ne se passe que quand il y a le djihad. Voilà ce que je voulais dire. Inch'Allah ta'ala, c'est compris. Wallah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est marié, na'am, na'am. Même s'il est marié, ça s'appelle Moukli Yamin. Ça s'appelle Moukli Yamin. En islam, le mariage en islam, les rapports avec la femme, c'est ou bien par acte de mariage, ou bien acte de moukliyamin. Moukliyamin, je ne sais pas comment on dit en français. Ça doit avoir un mot. Le musulman, il a ou bien sa femme, ou bien moukliyamin. Comme a dit le Coran, il a ala zwajihim ou même alakt aymanuhum. Seulement ta femme, ou bien celle, la femme que tu as fait venir de la guerre. Bien sûr, celle-là, il peut faire le rapport avec elle, et quand il fait rapport avec elle, avec un acte aussi, qui s'appelle aqd mukliyam, mais ça ne veut pas dire que n'importe qui va faire le rapport avec cette femme, sauf l'homme à qui on lui a donné, et il peut faire le rapport avec elle, et quand il veut la vendre, il la vend, c'est comme devient comme une marchandise. Maintenant, au prochain, inshallah ta'ala, et il arrivera, inshallah, le dars très détaillé, sur cette femme exactement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi fadl al-an. Alhamdulillah. Barakallahu fik ya akhi al-karim. Shuf su'ali. Et non, donc en fait c'était mon tour, j'avais la main levée juste après Sakina bint Fatiha, et sans faire exprès j'ai appuyé sur un bouton et que ma main s'est retirée. Donc pour faire comprendre aux autres que je vais passer, je passe pas devant eux. Allez, Inch'Allah. هو يتعلق بين في يتعلق بحديثين الحديث الذي وقالها تسعون وأتوها سكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ونصيب إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقضي ما سبقك. طيب شيخ الآن صوت واضح؟ هل الآن صوت واضح؟ Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Oui. سؤالي يتعلق بحديثين. الحديث الأول إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم. وما فاتكم فأتموا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار وصلي ما أدركت واقضي ما سبقك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا سؤالي هو، النبي صلى الله عليه وسلم قال سأتم فصلوا ما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فأتموا، وفي الرواية الأخرى واقضي ما سبقك واقضي ما سبقك. فهنا القضاء، هل يقضي، هل لما يدخل مع الإمام يصلي مع الإمام، هل دخوله هو بداية الصلاة أم آخرها؟ مثلا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة، فهل دخولي هذا هذه الركعة الثالثة للإمام تكون الركعة الأولى لي أم الركعة الثالثة؟ فبمعنى الحديث قال فأتم، أي أنا ما فهمته فأتم آخر الصلاة، لأن الإتمام هو يتعلق بآخر الشيء. ورواية أخرى واقضي ما سبقك، فهو يتعلق بما سبق. والله تعالى أعلم. هذا معنى هذا سؤالي، هل السؤال مفهوم إن شاء الله؟ كما تريدون، لعل باللغة الفرنسية تفيد الناس الأجمعين إن شاء الله، تفيد الناس إن شاء الله. وأنتم تعرفون أنتم أهل بهذا إن شاء الله. إن أردتم أن تجيبوا باللغة العربية فلا بأس، وباللغة الفرنسية فلا بأس، أفهم الاثنين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ فيه صوت؟ نعم. بارك الله فيك أخانا الكريم. بارك الله فيك أخانا الكريم. Je voudrais répondre en français parce que comme tu as dit toi, il y a beaucoup plus de gens qui comprennent. C'est mieux que je parle en arabe, peut-être seulement 5 ou 6 vont comprendre. Je disais d'abord c'est quoi qu'a dit mon frère, ensuite c'est quoi la réponse. Mon frère a dit qu'il y a deux hadiths qui apparemment se contredisent. Il n'y a jamais de contradiction dans les hadiths ou là dans un hadith inversé. Si quelqu'un dit il y a contradiction, ou bien il est jahel ou bien il devient kafir. Il n'y a aucune contradiction et jamais de contradiction. Les deux hadiths sont authentiques. L'un dit que lorsque vous allez à la salat, je donne seulement le résumé. Lorsque vous allez à la salat, ensuite vous trouvez le imam qui vous a déjà devancé, vous rentrez avec l'imam et vous rattrapez, quand il dit salam alaikum, vous vous levez, vous rattrapez ce qui est passé. Et l'autre hadith dit, quand vous rentrez avec l'imam, vous êtes devancé, quand il dit salam alaikum, vous terminez, c'est pas vous rattrapez, vous terminez. Donc le premier hadith a dit atimu, terminé, et l'autre hadith a dit faqdi, rattrape. Donc maintenant, si entre terminer et rattraper, c'est pas la même chose. Car si tu termines, qu'est-ce que ça veut dire terminer? Terminer, ça veut dire si je rentre dans Salat al-Dhuhr, et je fais deux rak'at, les deux dernières rak'at avec l'imam. Ensuite, lui, il se lève, il me reste encore deux rak'at. Si je prends avec le hadith rattrape, ça veut dire je rattrape les deux rak'at qui sont passées. Ça veut dire je vais lire avec Alhamdulillah et une surah, Alhamdulillah et une surah. Ça c'est rattrapé. Si je prends avec le deuxième hadith qui va dire termine, ça veut dire qu'est-ce que je vais dire? Je vais lire seulement Fatiha dans la troisième et seulement Fatiha dans la quatrième. C'est ça terminé. Ça veut dire je termine ma salat. C'est comme si les deux dernières rak'at sont devenues les deux premières. Alors c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Le jawab. Alhamdulillah, haqqa hamdi wa sallam ala rasulih sallallahu alayhi wa sallam. On dira que quand le prophète alayhi wa sallam a dit aqdi, rattrape, il a voulu dire par ça termine. Parce que aqdi, fi l'ugha al-arabiya, ça veut dire aussi termine. Aqdi en arabe, qui en français donne rattrape, veut dire aussi, et en arabe seulement, veut dire aussi terminé. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il parle de la Jumu'ah, فَإِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ إِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتِ. Est-ce qu'il a dit si la salat du Jumu'ah est terminée, ou bien il a dit si la salat du Jumu'ah est rattrapée? Il a dit terminée, إِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Et pourtant, il a employé le mot قُدِيَتِ. Donc قُدِيَتِ ici veut dire terminée. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans la Baqara, il a dit avant cela, il a dit ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن ضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ensuite il a dit فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكر الآية. Le شاهد وسيلي le témoin, فإذا قضيتم مناسككم, ça veut dire si vous avez terminé les choses de l'Hajj, ça ne veut pas dire si vous avez rattrapé. Donc Cheikh Albani et les autres, les ulama, les muhaqiqoun, ont dit ici il n'y a pas de contradiction. Ici, quand il a dit taqdi, il a rattrapé, il a voulu dire pas rattrape, il a voulu dire termine. Et plus encore, yani, le délit qui est plus fort encore, c'est le hadith de Ali radiallahu ta'ala anhu qui est sahih, où il a montré que quoi, il a fait une salat et il a fait la dernière, il a rendu la première. Et c'est un hadith sahih. Donc voilà ce qu'on doit faire quand on rentre avec un imam. Dès qu'on dit Allahu Akbar et on rentre avec lui, ce qu'on fait, la salat qu'on fait avec lui, on la compte, c'est elle la première, c'est pas elle la dernière. Et quand je dis salamu alaykum et je me lève pour terminer, ce que j'ai fait avec l'imam, je compte que c'est lui, c'est ça la première. Donc je termine, je ne rattrape pas ce qui s'est passé. Je donne un exemple pour être plus clair, un exemple qui est plus clair que cela. Par exemple, le imam, je rentre avec lui, par exemple, Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib. Le imam, je fais avec lui, je trouve par exemple qu'il est à la dernière raka. La dernière, je trouve donc il lit à voix basse, parce que c'est la dernière raka. Donc il me manque combien de raka'at? Qu'est-ce que je fais? Maintenant je fais avec lui la dernière raka'a à voix basse, et lui il dit salam alaykoum, moi je me lève. Le hadith a dit tu termines. Donc la dernière raka'a que j'ai fait avec l'imam, je la fais pour moi, je dis c'est celle-là la première. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux raka'a, je termine, il me reste deux raka'a. La deuxième, je lis fort avec Fatiha, une autre surah, à voix haute, et je m'assois, je fais le tashahhud. Et ensuite je me lève et je fais la troisième à voix basse. Ça veut dire j'ai terminé. Voilà, j'ai pas rattrapé. Plus clair que cela, si je rentre à Salat al-Isha avec le imam, Salat al-Isha, deux rak'at. Je trouve qu'il m'a dépassé avec deux rak'at. Ça veut dire, je vais faire la prière avec lui, les deux dernières à voix basse. Seulement Fatiha à voix basse. Il dit salam alaykoum, je me lève. Si je termine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les deux dernières du imam, je les compte les deux premières et je termine. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais la troisième avec seulement Fatiha et voix basse, et la quatrième avec seulement Fatiha et voix basse. Ça veut dire j'ai fait la salat al-Isha avec quatre rak'at, toutes les quatre, seulement Fatiha et voix basse. Voilà ce que ça veut dire terminer. Et c'est ça le plus juste, l'arjah, et le plus vrai. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mousselima 99, tafadali. Ceux qui n'ont pas compris, je leur explique, yani, inshallah, encore une fois. Tafadali, Mousselima 99. Abou Ishaq, barakallahu fik. Pour Sakina, c'est trop tard. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Sakina, inshallah ta'ala, elle peut m'envoyer un email, elle m'envoie beaucoup, je lui répète, inshallah. D'ailleurs, je dois lui répondre une lettre très importante. Je dois lui répondre, inshallah ta'ala. Parce que regarde, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, je peux pas revenir en marche arrière. تفضلي مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة 99 تفضلي بارك الله فيكم ساكنة سيكلار الحمد لله. Maintenant c'est Abou Ishaq qui a des mashakil. صاب لهم اسمه مسلمة استغفر الله مسلمة 80 تفضل. Je crois que Muslima 99 n'est pas avec nous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, ça devient Moukhil Yamin à la personne après la qisma, c'est ça. Ça devient Moukhil Yamin. Naam, c'est ça. Naam, Muslima, il ne faut pas écrire beaucoup. Il faut écrire une phrase, ensuite tu l'envoies. Une phrase. Ensuite, scène des comme ça. Tu peux pas faire passer un grand paragraphe. Naam. D'accord, t'as fait d'aller. Je profite de l'occasion, tant qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, je profite de l'occasion pour dire que ceux qui étaient présents, Inch'Allah Ta'ala, ou qui n'étaient pas présents du début, que quand j'ai parlé la fois passée de la femme qui fait une césarienne, j'avais dit que le sang qui allait couler après, c'était un mauvais sang, c'est tout. Il y en a une veine saignante, et que ce n'était pas le sang de la grossesse. Maintenant, je retire ce que j'ai dit. C'est moi qui avais mal lu la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymeen. Je dis que c'est un sang de grossesse, ça veut dire c'est un sang d'accouchement. Elle doit rester yani jusqu'à ce qu'elle se purifie, et au maximum elle reste 40 jours. Inch'Allah, je corrigerai aussi la prochaine fois. Je demande à ceux qui ont la cassette de corriger dans la cassette pour qu'ils ne la donnent pas à un autre ou à une autre, et elle va yani se tromper. Barakallahu fikoum, c'est une amana aussi, hein. Ça rentre dans les 6 de amana dont on parlait tout à l'heure. C'est une amana d'effacer dans la cassette. J'ai parlé 2 fois dans le cours et dans une réponse à une question. Ou bien de parler, toi-même tu parles à la fin de la cassette, tu dis en ce qui concerne la césarienne, Cheikh a retiré ce qu'il avait dit, la femme doit rester avec Yanné jusqu'à ce qu'elle se purifie pour faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Je voudrais vous demander conseil. Je dois rencontrer un frère que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Ma mère et sa mère sont en contact pour la rencontre. Je suis divorcé, j'ai des enfants. Tout cela me fait peur. M'angoisse à un point de ne pas arriver à faire la prière de consultation. Naam, termine, Inch'Allah. Naam, je n'ai pas très très bien compris ta question. Inch'Allah ta'ala, je vais te répondre d'après ce que j'ai compris. Mais Ibrahim ou Laoum Ishaq, ils vont t'écrire mon email pour m'écrire à ma boîte, Inch'Allah ta'ala, pour te répondre. Pourriez-vous nous faire des doigts pour les frères, mes enfants, moi-même et nos familles? Inch'Allah ta'ala, je ne vous oublierai pas. الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم وأن يبعد عنكم كل المشاكل وأن يهديكم وأن يوفقكم لما فيه خير الآخرة والدنيا وأن يوفقكم للزوج الصالح إن شاء الله تعالى الذي معه تكون سعادة الدنيا والآخرة أختي مسلمة في la prière de la consultation il faut la faire, il faut يعني tu éloignes le shaitan et que tu la fasses. C'est quelque chose de très très important. Quand on fait la prière de la consultation, ça veut dire qu'on n'a pas choisi nous-mêmes. Quand on choisit nous-mêmes, on est faible, on est jahil, on est malade, on ne voit pas loin, on est stupide, on est tout. Quand on demande à Allah de nous choisir, s'il accepte et te choisit, masha'Allah, qui sera mieux que toi? Si tu fais la consultation, Allah accepte de toi et te choisit, yani khlas, tu as déjà, yani tu as le bonheur dans cette grande vie. Voilà. Voilà, tu peux m'écrire à cette adresse, ibntaymiyah@hotmail.com. Inch'Allah ta'ala, je te répondrai plus. Naam. Abdelkader, Abdelkader 691, ça fait de la barak l'aufi. Naam, Oum Abdelallah, il est minuit, deux minutes. On va jouer, Inch'Allah, peut-être un quart d'heure et on arrête. Ne pas perdre de temps. Hilal, t'as fait valer. Hilal, t'as fait valer. Salam alaikum. Nous est-il permis de dire le bonjour en premier aux voisins proches ou lointains mécréants pour donner une bonne image de l'islam? Ou est-ce contradictoire avec la sunna? Avec l'horaire humide. Et s'il y a le temps, pouvez-vous nous dire ce qui annule l'invocation? Ce qui annule l'invocation, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Non, j'ai pas compris ce que ça veut dire ce qui annule l'invocation. En ce qui concerne commencer à dire salam au kafir, les ulama ont divergé. Certains ont dit ce qui est interdit, c'est de commencer par lui dire salam alaikum. Et par conséquent, ils ont dit, si tu commences par lui dire bonjour ou là, ce n'est pas interdit. Et d'autres ont dit, yani, tout est interdit. Yani, même quand tu lui dis bonjour ou là, c'est interdit. D'autres ont dit. Il n'y a pas un délit yani, très, très, très fort. Le plus fort, Allah Alam, c'est de ne pas commencer par lui dire salam alaikum. Mais il faut que ce soit lui qui dise le premier. Mais si c'est Hajat à bonjour ou là, surtout si c'est par exemple, c'est nous qui rentrons dans le magasin. Hein, c'est nous qui sommes partis chez les gens. Celui-là, si tu lui dis, mais tu commences pas par salam, tu lui dis bonjour ou là, il y a des ulama qui ont fait passer cela, comme c'est écrit dans le Sharh Zad du Sheikh Ibn Uthaymeen, et je l'ai lu aussi dans d'autres livres. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais l'interdit, c'est de commencer par lui dire salam alaikum. Qui empêche les vœux soient exaucés, même si on l'invoque. Naam. Il y a des choses qui font que nos douas ne sont pas exaucés. Il y a beaucoup de choses. Les plus connues, c'est de manger le haram, boire le haram, s'habiller en haram. C'est-à-dire les gens qui, leur argent n'est pas halal, quand ils font les douas, ils ne sont pas acceptés. Il faut que pour Allah exauce les douas, il faut que, yani, au maximum, ne pas manger le haram, ni le boire, ni s'habiller en haram, comme dans le hadith qui est connu dans le Bukhari. C'est pour ça que plus on évite le haram, plus nos doigts sont acceptés. Deuxièmement, pour qu'ils soient aussi acceptés, n'oubliez pas de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis l'insan ne commence pas comme ça direct par les doigts. Commence par dire alhamdulillah ou monter comme ça les mérites, yani le mahamid. Thumma ensuite il fait les doigts. Ensuite il a de préférence qu'il cherche les moments les plus opportuns, comme la nuit lorsque l'azur descend du ciel, la fin de la nuit avant le fajr, comme lorsque la pluie tombe, comme lorsqu'il y a le adhan comme lorsque les soldats se rencontrent dans le djihad, comme lorsqu'il y a la iqama du salat, comme lorsque les parents, nos parents nous font des doigts. Et il y a beaucoup de choses en ce sens, inshallah ta'ala, qu'on laissera pour la prochaine fois. Le but de la vie, tfadbal. Abdelkader Salam, cher, je t'aime en Allah, cher, voilà. Moi aussi je t'aime en Allah, je vous aime tous en Allah. Quiconque, moi quiconque, je trouve qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la sunna, il veut pratiquer, etc. Celui-là, je suis obligé de l'aimer, de. Yani, l'ouala ou le bara, et je l'aime plus que mon fils. Je l'aime plus que mon fils et plus que ma fille, voilà. Salam, cher, je t'aime en Allah, ahabak ladi ahabak tanifé. Voilà, je suis un jeune frère célibataire et des fois je suis rongé par le désir, mais je ne suis pas marié car je ne peux pas pour l'instant. Cependant, j'ai déjà essayé le jeûne, mais rien à faire, cher. Cher, j'ai toujours autant de désir. Peut-on reposer aux mains dans cette situation qui s'est interdit? Est-ce le même péché que la fornication? Pour la réponse, j'ai dit tout à l'heure que il fallait faire le maximum pour qu'on se marie au plus vite. Il y en a surtout ceux qui ont une forte tentation. Il y a des gens qui sont créés comme ça, ils ont de fortes tentations, hommes ou femmes. Ceux-là, ils sont obligés de se marier, sinon ils rentrent dans le haram. Bien sûr, quand ils ont les moyens. Bien sûr, quand ils ont les moyens. Quelqu'un comme mon frère, celui-là, qui ne peut pas se marier, même la femme qui veut se marier, elle peut l'aider. Une femme qui a vraiment veut du ajr, elle peut aider quelqu'un à se marier, ou bien en lui donnant de l'argent, ou bien si elle est célibataire, en se mariant avec lui. Et même la dot, ça devient une dette qu'il payera après. Ou bien il se marie pour lui apprendre le Coran, ou je ne sais pas quoi, n'importe, des choses comme ça, comme c'est dans la sunna sahiha. Quand on aide quelqu'un pour se marier, yani on a fait un grand ajr chez Allah subhanahu wa ta'ala, un grand ajr chez Allah subhanahu wa ta'ala. On a aidé à quelqu'un pour qu'il ne fasse pas la fornication, qui est un grand péché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je voudrais dire à mon frère que essaie inshallah ta'ala par tous les moyens d'avoir un peu d'argent et te marier. C'est pour ça que je demande à mes soeurs d'être raisonnable et de ne pas demander beaucoup dans la dot. Celle qui ne demande pas beaucoup en le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura beaucoup d'ajr, parce que elle s'est dit, je ne suis pas une vache qui se vend ou une voiture, je suis une femme, je voudrais aider quelqu'un, je ne lui demande pas beaucoup de la dot, et cette petite dot qu'il donnera, Allah azza wa jalla fera descendre la baraka, et avec cette petite somme elle achètera beaucoup de choses. Et celles qui demandent beaucoup parce qu'elles sont avares, etc., elles trouvent qu'elles ne peuvent rien faire avec cette somme. Pourtant, des fois, c'est une somme colossale. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal ne fait pas descendre la baraka. Akhi Karim, faire avec la main est interdit. Et c'est aussi un péché. Mais il n'est pas aussi grand. Il n'est pas du même rang que la zina et la fornication. Non, je te mentirai pas. Il est moins. Mais Allah Azza wa Jalla ne l'aime pas. Pourquoi? Surtout ceux qui, eux, ce sont eux qui sont des fois la cause pour les tentations. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui voient des films, il y a des gens qui voient les majlat al-khali'a, il y a des gens qui voient les femmes nues dans les photos, etc. Ou là, ensuite, ils disent, je ne peux plus me retenir. Celui-là, c'est lui qui a été la cause du deuxième péché qui est la fornication, ou bien le truc avec la main. C'est lui qui a été la cause. C'est lui qui a vu, ensuite il s'est excité. Celui-là, il a deux péchés. Le fait de voir, de ne pas laisser ses yeux seulement dans le halal, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le deuxième péché, de faire avec sa main ou bien de faire la fornication. Akhi Karim, je te demande de patienter, inshallah ta'ala, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Maintenant, si en dormant, tu trouves que tu as fait ce que fait l'homme avec sa femme en dormant, ça ce n'est pas interdit, alhamdoulilah. C'est Allah Azza wa Jal, quand il aide quelqu'un en dormant, il met dans cela. Bien sûr, c'est le shaitan qui l'a fait, mais c'est Allah Azza wa Jal qui l'a laissé faire. Yani, irada, kouniya. Mais faire avec la main, je voudrais te dire que ce n'est pas permis et que c'est interdit. Certains ulama, certains ont dit, yani, quand c'est vraiment grave, il le fait. Il le fait une fois dans sa vie ou là, quand c'est vraiment grave, là, c'est une grande darura. Mais je voudrais pas dire cela aux gens, parce que quiconque va dire, moi, classe, je peux pas, donc je vais faire. Moi, je peux pas, donc je vais faire. Il va voir la télé, ensuite il va dire, moi, je peux pas, je vais faire avec ma main. Tout ça, je redis encore une fois, c'est un péché. Taqullah subhanahu wa ta'ala, wa demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تنفسي في كبارك الله plus Allah Ta'ala tu es sincère avec Allah, plus tu lui demandes, Allah t'ouvrira des portes et te fera connaître inshallah Ta'ala la future mariée. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aide très bientôt et qui te marie avec une femme, avec une sœur avec laquelle inshallah Ta'ala tu seras l'un des plus heureux et elle sera l'une des plus heureuses. Le but de la vie, تفضل. Comme a dit, quand quelqu'un, quand il est dans la daroura, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, il fait la jumu'a, il l'a fait avec le taymoum, et il ne laisse pas la jumu'a partir comme ça. Il l'a fait avec le taymoum quand il est dans la daroura. Mais je dis à mon frère que il faut qu'il prenne des causes. Il prépare le réveil, etc., pour se lever avant le temps. Du travail. Pourquoi? Pour faire le lavage avant d'aller au travail. Ensuite, si tu sais que quand tu vas aller au travail, c'est pas très grave, une heure d'absence ou là, mais une demi-heure, il vaut mieux que tu fasses le lavage avant de partir. Parce que c'est très très important. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut aller régler le réveil pour que ça soit avant d'aller au travail. Et puis même quand tu es dans le travail, si tu sais que tu peux prendre 10 minutes ou un quart d'heure pour aller ici à droite, à gauche, je sais pas où, faire le lavage, tu dois le faire inshallah ta'ala. Sinon, au moins le taïmoum, il ne laisse pas passer la salat inshallah ta'ala. On ajoute inshallah ta'ala 1 et 2 et on arrête. Tafadhal Aba Issa al-Maghribi, tafadhal. هل ممكن إعادة ذكر نص الحديث متعلق بالعين والذي نقلتموه من صحيح الجامع؟ ما حكم تسمي المرأة باسم زوجها حيث أنه في بلاد الكفر المرأة عندما تزوج تعطونها اسم زوجها الاسم العائلي؟ نعم، أي حديث؟ أنا ذكرت حديثين ولا ثلاثة في العين، ذكرت حديث ولا اثنين ولا ثلاثة في العين. نذكر لك هذا تاع اليوم تاع الكتاب، نذكر لك تاع الكتاب هذا، زدت ذكرت أنا بعض الأحاديث أخرى، أذكر لك تاع الكتاب. يقول بعد القادر. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث 1205 أكثر لحظة عفوا 1206 أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. نعم إن شاء الله تعالى يستوفي إن شاء الله تعالى. نعم في أي بلاد؟ في أي بلاد؟ جيبا كومبري في أي بلاد؟ ما حكم تسمي المرأة باسم زوجها حيث أنه في بلاد الكفر المرأة عندما تزوج يعطونها اسم زوجها اسم العائلي؟ نعم، هذا ماهوش فقط في بلاد الكفر، حتى في البلدان المسلمة، حتى في البلدان المسلمة. في الأصل الإنسان المرأة أنها تسمى باسم أبيها، ودعوهم لآبائهم. الأفضل تسمى باسم أبيها، هذا هو الأفضل، مش الأفضل، هذا هو يعني الشرع. ما نقولوش مثلا عائشة يعني إكس نون فامي دو سون ماري، on dit عائشة بنت في دو إكس et de son père. On dit pas de يعني on dit pas de son mari. C'est comme ça en islam. C'est pour ça que par exemple ici avec nous Om Sakina bint Fatiha, de préférence Om Sakina bint, et elle dit le nom de son père, pas de la mère. Om Sakina bint Muhammad, la bint Ali, la bint Omar, afdal. Pourquoi? Ud'uhum li abaihim, appelez-les par leur père et non pas par leur mère, comme a dit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bilal, tafaddal. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. C'est longtemps qu'on ne s'est pas rencontré. Dans mon travail, j'ai le droit de prendre un congé de 3 ans pour éduquer mon enfant et je serai rémunéré par l'État. Je veux éduquer mon enfant à l'étranger pour profiter de l'apprentissage arabe et voir une opportunité de faire Hijra Inch'Allah. Mais apparemment, ça n'entre pas dans la condition de pouvoir partir à l'étranger. Ai-je le droit de partir quand même, en sachant que ça n'engendre pas de mensonge, Inch'Allah ta'ala. Et à fond, mais vous pouvez-vous tous penser à faire doua, s'il vous plaît, Inch'Allah, pour mon épouse Oumoudina, qui accouche cette semaine, Bismillah, vous en serez récompensé, Inch'Allah, barakallahu fikoum. آه جزاك الله خيرا، ذكرتنا بأمي لينا. أولا نبلغ لها السلام من طرفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيكم ذرية صالحة، وأن يجعل ولادتها سهلة إن شاء الله، سهلة جدا. الله عز وجل يجعل ولادتها وولادة كل الأخوات سهلة بإذن الله عز وجل وميسرة. Amin ya Rabbil Alamin. Et les frères, Inch'Allah ta'ala, aussi feront un doua. En ce qui concerne, tu as dit que ce n'était pas, yani, ça ne rentre pas dans la condition. Hadith, je ne l'ai pas comprise. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Ça ne rentre pas dans la condition. Hadith, je ne l'ai pas comprise. Tu peux reformuler, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne rentre pas dans la condition, Inch'Allah ta'ala. Reformule le temps que je donne à Bint. Bint Hussein Salafia, pour ne pas perdre de temps. Bint Hussein Salafia, pose ta question, Inch'Allah. Ah, est-ce que c'est écrit dans la condition, à condition de rester en France? Voilà ma question. Est-ce qu'il est écrit à condition de rester en France? C'est écrit ça? Boubilel, est-ce que c'est écrit? Pas dans le papier que je signe, non. نعم خلاص si tu n'as pas signé de papier inshallah ta'ala, s'il n'y a pas entre toi et eux, s'il n'y a pas une condition signée, tu n'as pas signé de papier et que ça n'engendre pas de problème, yani que eux ils vont rien perdre avec ton départ, ça va pas les léser, ça va pas les faire perdre des choses en argent ou de la femme, ça va pas les faire perdre Inch'Allah ta'ala, si tu as une niya, ça change rien, voilà, si ça change rien, na'am, tu n'as rien signé, et ça ne va pas les perdre, ni les léser, ni toi, Inch'Allah ta'ala, tu peux. Inch'Allah ta'ala, tu peux. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Na'am, qu'a dit l'ukht? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh wa khairat. Tout d'abord, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, jazakallahu khairan. Na'am. Voilà la question, Inch'Allah ta'ala. Sans oublier, maintenant je me rappelle d'une chose, je vais vous la dire, Inch'Allah ta'ala. Mon prochain dars, Inch'Allah ta'ala, c'est samedi. Mais il est possible, par exemple, que jeudi ou la vendredi, il est possible que je rentre à Agda après que le dars, c'est-à-dire repère de la sunna, après qu'il soit terminé. Mon dars, Aqidah, c'est samedi. Normalement, c'est à 22h ici, c'est-à-dire 20h en France. Comme je faisais d'habitude. D'habitude, je faisais toujours à 20h en France. 20h en France, c'est-à-dire 22h ici. Maintenant, il y a les repères de la Sunna qui fait un das presque tous les soirs. Tous les soirs, sauf mercredi. Et il fait à la même heure, c'est-à-dire 22h. Donc, je me suis trouvé, Yanni, qui m'a goulé un peu mal à l'aise parce que, ou bien je fais avec lui en même temps, ou bien je fais pas. Ou bien je fais avant, ou bien je fais après. Ça me gêne après. Ça me convient pas. Après 22h ici, je termine à 2h du matin ou là. Yanni, psaraha, ça me convient pas. Maintenant, j'ai mis dans le blog que le dars était à 20h. C'est-à-dire, on va faire en même temps. Ensuite, j'ai dit, c'est pas bien. Donc, j'ai avancé d'une heure. Je vais faire à 19h, inshallah ta'ala. Le temps, un mois ou deux mois, ensuite, je vais changer. Je vais changer, yani, pour qu'on soit pas la deuxième heure en même temps. Pour qu'on fasse pas les deux, la deuxième heure en même temps. Ensuite, moi, quand je vais faire à 19h, à 20h, je demanderai aux frères et aux sœurs d'aller suivre le DAS qui commence là-bas à 20h. Et de ne reste avec moi que ceux qui auront des questions à poser. Les autres, inshallah ta'ala, je leur dirai d'aller. Je leur dis dès maintenant d'aller suivre le dars pour que inshallah ta'ala yani stafidoun, pour que ils stafidoun inshallah ta'ala, ils ne resteront avec moi que ceux qui auront des questions, ou bien je ne sais pas comment inshallah ta'ala on va s'arranger. Moi j'ai mis le nom du frère dans ma liste, mais ça, il n'est pas rentré, ça fait 4 ou 5 jours pour parler avec lui. Donc inshallah ta'ala, mon dars c'est samedi à 19h française pour la aqida inshallah ta'ala. Après on va voir comment on va faire pour trouver une solution inshallah ta'ala. Tayyib, Allahi bint Hussein, tu n'as pas posé de question à ce que je sache. Bint Hussein, j'attends ta question inshallah ta'ala, j'attends ta question. Je t'entends pas parce que tu parles pas. Je t'entends pas. Je te lis. Naam, je te lis. J'attends que tu poses ta question, inshallah ta'ala. J'attends que tu poses ta question, inshallah ta'ala. Tafaddali. Allo, assalamu alaikum. Yachir, inshallah, j'aimerais discuter avec vous sur deux sujets que vous avez abordés dans ce discours. Sur le sujet qui concerne la barbe pour la femme. Et sur la masturbation, j'aimerais inchallah savoir si est-ce que je peux vous envoyer un message concernant ces deux sujets là inchallah binillah, pour que vous regardez les avis que je connais moi et inchallah voir avec vous les avis que vous avez évoqués dans le discours. Et inchallah un autre point aussi, c'est de voir avec le frère Abkhader qui a dit qu'il avait des difficultés concernant le mariage. J'aimerais inch'Allah qui précise les difficultés qu'il rencontre, inch'Allah binillah. Barakallahu fik. Si vous êtes d'accord, et c'est mieux pour moi et vous de discuter de ces sujets-là sur en message privé, inch'Allah binillah, c'est vous qui voyez. Barakallahu fik, cher. Ana yuhibbuk fillah. Ahabbak alladhi ahbabtani fih. Akhi, comment il s'appelle celui-là d'ailleurs? Naam. Bint Hussein Salafia. Pardon, j'aurais aimé parler avec toi en PV, mais pardon, Allah, yani, pour dire la vérité, yani, j'ai même pas encore mangé. Aujourd'hui déjà, j'avais fait Siyam, mais j'ai même pas encore mangé, j'ai seulement bu un thé. Maintenant, yani, mais j'ai vraiment faim, je dois m'arrêter. Non, barakallahu fik. Chauffe, mais je parlerai avec toi, je parlerai, inshallah, avec toi, en message privé, comme tu as dit, la prochaine fois, inshallah. Je parlerai avec toi, on rentrera en privé, on parlera inshallah ta'ala. Naam, jazakallahu khaira, pardonne-moi, je demande à mes frères de me pardonner, mes soeurs, et je dois yani, quitter la salle. On se rencontrera inshallah ta'ala, yom, c'est à 19h française. si d'ici là il y a un changement, vous trouverez dans le blog, c'est écrit en haut, ibtimiajiran.com, vous trouverez ça s'il y a un changement dans le blog. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Déjà tellement, je suis fatigué, je commence à dire n'importe quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.